On avait la ligne Maginot, les Allemands l'ont. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line as we value your call. Ouais. C'est la fête. On a pas de générique, donc on sait pas. Peut-être ça commence comme ça, on sait pas. Non, mais de toute façon, on utilisera pas celui-là, mais on fait des refs, déjà à l'épisode moins 1, hein, qui n'est pas sorti, qui sortira jamais, c'est dingue. On parle du générique. Qu'on a toujours pas retrouvé. Qu'on a pas retrouvé, que personne n'a entendu, hein, c'est un lost media total. Mais voilà, c'est un rap. C'est un rap. Quoi qu'il arrive, il y aura un rap, celui-là ou un autre. Ouais, c'est vrai. On pourra l'améliorer en plus. Oh bah oui. Celui-là ou un autre, bah je t'attends, Brice, alors. Non mais déjà, qu'est-ce qu'on fait, on s'éparpille, c'est quoi le nom du podcast, Kylian? C'est Hotline Maginot. Voilà, superbe, superbe nom. Moi c'est Julien, par exemple. Et on est avec Brice, comment ça va Brice? Et oui. Eh bien ça va super, les gars, je suis trop content d'être là. Et Brice, premier, et aussi, voilà, sur le podcast, logo de l'émission, on a quatre logos sur le... Enfin, on a quatre micros sur le logo, Kylian. On a bien 4 logos parce qu'en fait on est 4. 4 micros, 4 micros, j'ai déjà fait l'erreur. Ah oui, on a 4 micros. Le mec n'apprend rien. On a bien 4 micros parce qu'on est censé être 4 et je vois qu'on est que 3. Pourquoi, Julien, tu peux peut-être détailler ou Brice? Vas-y, Brice, tu peux expliquer à la classe. Il manque peut-être une personne qui était là depuis les origines du podcast et qui nous a lâchement abandonné quelques heures avant, je pense. Après, c'est notre pote, on l'a pas prévenu à temps, on l'a prévenu il y a juste 3 semaines de ça. 3 semaines, 1 mois, ouais, voilà, on va pas chipoter. Non, mais ouais, t'es censé avoir Lucas avec nous et voilà quoi, c'est. Moi, je reste quand même, je trouve ça quand même hyper fou la réponse qu'il a fait. Ah ouais, les gars, non, mais la réponse est dingue. La réponse est dingue. J'ai vraiment hurlé. Hein. Non, mais heureusement que mon téléphone est neuf, sinon il passait par la fenêtre. Non, c'était très très grave le message qu'il a envoyé. Alors, en même temps, si on avait prévenu à temps, moi je dis pas. Non, mais voilà, c'est de notre faute, on l'a prévenu seulement 2 semaines avant. Quoi. C'est pas grave, ça fera une surprise pour les prochains épisodes. Exactement, et puis voilà, c'est le lore. Hein. Oui, c'est non, ça. Mais voilà, on est 3. De temps en temps. Non, mais de toute façon, c'est l'épisode 0. Là. La dernière fois, c'était l'épisode moins 1. Là, on fait l'épisode 0. On va présenter les origines du podcast. Pourquoi il existe. Pourquoi ce nom. Moi, j'ai prévu du contenu, là, aujourd'hui. T'as du lourd. On s'étise avec Brice. On a du. T'as des gros dossiers. Vous avez des gros dossiers. Putain. Je suis lourd. Je suis lourd de sujet. Du tout. De quoi? J'ai Dupont de Ligonnès, pas du tout. Oh putain. Merde. Il est avec toi là. Mais du coup, ouais, bah qui explique le concept? Oui, qui est vraiment dans la pièce. Qui explique le concept? Le concept, c'est simple. On est chacun dans des régions séparées du globe, disons, sachant que ça représente 2 pays. Car moi, j'habite en Allemagne. Lucas pour habite l'instant. Dans la région parisienne. Kylian, tu es du côté de Montpellier. De l'Occitanie. Ouais, Occitanie, Montpellier, ça dépend. J'ai pris plus. Je me suis vu plus large. J'ai pris Occitanie, j'avoue. Ouais, donc t'en as rien à foutre du concept. Du concept. Hein. Tu habites pas quoi. Tu habites pas. Je suis en Amérique. Quelle région, les gars? Je suis en quelle région là? Je suis en Occitanie. Brice est en région PACA, voilà. Et toi, t'es en Allemagne. C'est une région, ça, connard. Non, parce que moi, je reviens d'Amsterdam, donc moi, je vais parler d'Amsterdam. Moi. Ah, tu nous mets bien. Et Brice, Marseille. Marseille, le sud, la Provence. Marseille, la sud, un peu tout, quoi. Voilà. Exactement. Et donc, voilà, chacun va parler parce que, voilà, on se voit peu, machin et tout. Là, on fait un call, on se raconte les petites actus de nos vies, les petites actus de la région. On rigole. Et puis voilà, quoi, en fait, c'est tout. Ouais. Pas du concept. Pas et normalement, on est 4, quoi. Voilà, c'est tout. Et niveau régularité, Julien, comment... Ouais, bah, quand Lucas sera dispo pour l'épisode 1, quoi. Ouais, on essaiera de le prévenir quelques mois à l'avance, ne vous inquiétez pas. On enverra des lettres. Non, mais après, voilà, on va essayer d'en faire de temps en temps, quand on... On aimerait bien une fois toutes les 2 semaines, quoi. Voilà, on aimerait bien. Ouais, le top, ce serait ça. Après, je pense qu'avec Lucas, on peut tabler peut-être sur une fois par mois. Franchement, même pas. Voilà, je le dis. Mais après, on fait, je le on dis fait même nous pas. Une fois toutes les 2 semaines. Nous, on voilà, fait nous, toutes on peut les 2 semaines. Et Lucas, quand tu viens... Voilà, ouais, Lucas, non, ça sera notre cerise sur le gâteau. Voilà, de temps en temps. C'est l'invité exceptionnel. Sa chaise est là. Voilà, sa chaise est là. Il peut venir. Personne ne s'assoit dessus. Elle est là. Ouais. Il vient quand il veut, il est à la maison. Ouais, bon, pas trop non plus. Non, mais heureusement qu'on enregistre à distance, quoi, voilà, quoi. Putain. Et go, les gars, ça commence, générique. Allez, ah, c'est y a pas de générique avant. Deuxième générique, allez. Deuxième générique, ça va être différent du premier. Ça n'aura bien rien sûr à voir. Bon, non, bah, comment, qui ouvre le bal qu'on commence, qui ouvre le bal, qui a du très très lourd, là. Moi, je peux attendre, Allez, Kylian. Allez, ok. Kylian, est-ce que tu ouvres le bal? Allez, j'ouvre le bal. Bon, moi, j'ai commencé, j'ai préparé, j'ai trois sujets. Elle commence avec un. Ouais, déjà. Je commence avec un. C'est pas le mec. De toute façon, on va voir. Alors, moi, niveau actu, le premier sujet, c'est une actu parce que c'est quelque chose qui sort régulièrement dans la dépêche vers Toulouse, du ça coup. Ça va être terrible, ça va être terrible, hélas. Non, vous allez voir. C'est une régulière, mais qui va bientôt s'arrêter, mais pour l'instant, j'en ai déjà quelques-uns. Ça s'appelle « Ma commune fait sourire ». Donc, je pense qu'on les gars le voient venir. C'est qu'il y a eu des articles sur des noms de communes en Occitanie. Les noms de communes en Occitanie qui peuvent faire un peu rigoler. Mais attends, mais Brice, il t'a piqué ton truc, là. C'est pas pareil, c'est un autre jeu, pour une autre fois. Ah putain, mais vous êtes pas justisé, vous avez vraiment parlé des sujets. Mais on t'a attendu 20 minutes! Mais vraiment, j'étais là, j'étais dispo. On va pas rentrer dans le débat. On tourne là. Bon, vas-y, on tourne à l'heure. On tourne à l'heure. Du coup, donc, moi, j'ai un peu lu tout ça. Bon, évidemment, tous les abonnements sont des abonnements payants, donc c'est un peu plus compliqué. Mais sur le principe, il y a une dizaine de trucs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris deux ou trois. Aujourd'hui, c'est vous qui allez me dire si on en fait trois ou si on en fait deux, ça dépendra. Le truc est assez simple. Je vais vous donner le nom d'une commune. Vous allez essayer de deviner son orthographe. Et ensuite, il y a dans chacun des articles un jeu de mots. Mais c'est quoi, une édition, quoi. C'est on va déchiffrer des lettres. On fait une dictée, là, je te jure. Non, vous allez voir. Après, il y a un calcul. Écoutez bien. Donc, il y a trois communes. Après, dans chacun des articles, ce qui était marrant, c'est qu'il y a vraiment des gars qui ont fait des jeux de mots. Donc, j'ai fait deux... Il y a un jeu de mots qui était le jeu de mots de l'article et un jeu de mots que j'ai fait moi-même. Et là, il va falloir deviner lequel est de moi, lequel est de l'article, ok? T'as et ensuite, vous aurez quelques petites infos sur la... C'est quoi le début de... Pourquoi on doit trouver un jeu de mots? En fait, dans l'article, à chaque fois, parce que c'est des noms marrants, et à chaque fois, les gens se disent « Ah ben moi, quand je parle de ma ville, je dis ce jeu de mots-là. » Ok. Et sauf que c'est généralement bien, bien pourrave. Donc, le truc, c'est que moi, je vais vous en donner deux. Un que j'ai fait moi, un qu'ils ont fait eux. Et derrière, ça vous trouver lequel est le bon, ok? Et après, je vous donne des petites infos sur la ville, voilà. Ok. Alors, le premier nom de commune, c'est Issus. Alors, est-ce que vous avez un orthographe peut-être à proposer sur la manière dont ça peut s'écrire cette ville? Est-ce que tu nous donnes le nombre de lettres ou on se débrouille vraiment à fond? Nombre de lettres, 5 lettres. Bah, okay, I2SUS. Ouais, bah c'était pas si dur que ça, du coup. Bah ouais. C'est vraiment ça. Les habitants sont les Issusiens ou Issusiennes. Donc Issusiens voilà. Alors... Les jeux de mots, parce que je vous dis, après il y a des petites infos et tout, mais... Est-ce qu'il y a issue sa perte? Non. Ah putain, bien. Mais après voilà, le truc c'est essayer d'en trouver, tu vois, genre... Ah ouais, celui-là il est chelou. Je vous en dis deux, et derrière vous me dites lequel est le bon, ok? Le premier c'est, ici, il suce pas des glaçons. Ok. Le second c'est, okay, il suce bien les boules à Macron. Bon bah le deuxième. Alors, c'est toi quoi. Ouais. Ouais, j'ai pas mis la barre très très haute pour le début. Ouais, c'est des macronistes à Issus. Et non. Alors, le maire de la ville, c'est Bruno Cobé. Je suis allé faire la recherche quand même. Je suis bien préparé. Le basketteur, bien sûr. Oui, bah, Kobe Bryant, bien sûr. Kobe Bryant. Le fait que j'ai précisé la vanne veut dire que je l'ai cherché pendant le truc. Hein. Alors après, voilà, ils sont tous en train de dire quand même dans leur truc, les gens du coin ont l'habitude, on est voisins des villages de Pouze et de Belbèze. Moi, je trouve ça con de pas avoir fait un truc sur Belbèze. Alors, je vous le dis parce que du coup, c'est pas le nom des villes qu'il y aura après, hein, donc ça laisse le truc. Et c'est évidemment, lance avec ironie, l'employé municipal, parce que bien sûr, on interroge des gens vraiment bien compétents sur le sujet. Donc, l'origine de Issus, est-ce que vous avez une idée d'où ça vient ou pas du tout? Ben non, écoute. Issus de secours. Bah putain, oui, si vous en avez d'autres, allez. C'est bon, t'as fini, Julien, t'en as pas plus que ça. Ah, franchement, je suis bien là. Non, alors l'origine, c'est qu'en occitan, ça veut dire au-dessus de la ise, qui se disait ois, et oui, comme ois et saucisse, et que ça a évolué. Ah oui, mais le niveau est haut. Ça a bien évolué. Hein. Vous allez voir. C'est un podcast intellectuel, hein, c'est de l'actu, c'est. Je crois que ça vient de Mediaport, d'ailleurs, ton article. Ah, écoute, je suis allé faire des recherches. Je suis allé sur le terrain. C'est pas, ça vient de nulle part. T'es allé à Issus? Ouais. Non, pas du tout. Par contre, région, c'est en Haute-Garonne, donc c'est pas très loin de Toulouse. Voilà pour le premier nom de ville. Est-ce que je vous fais le deuxième direct ou est-ce que quelqu'un fait son actu et on revient dessus plus tard? Qu'est-ce que. Non, vas-y, faisons un deuxième. Là. Alors, le deuxième, assez facile. La commune s'appelle Sexe. Est-ce que en quatre lettres? Oh ben bah, très simple, S E X E. Évidemment, voilà. Bah je vois que vraiment c'était pas très compliqué. Au niveau des jeux de mots, j'en ai deux. Là j'ai essayé de faire un peu plus chaud. Vous allez voir, le niveau est beaucoup plus élevé. Une cata. Alors dans le dans la. Je sais que c'est Brigitte Macron, il va dire voilà c'est tout. Voilà, j'ai... Et non, j'ai fait beaucoup plus simple. Dans l'article, est-ce qu'il y avait il nous manque qu'un sex shop? Ou est-ce qu'il y avait il nous manque qu'un maire sexy avec l'orthographe de la ville? Bah, je pense le maire. Ah! Le premier, c'est toi, moi, je pense. Ouais, le premier, c'est le tien. Il nous manque qu'un sex shop? Ouais. Et bah, vous trompez. Voilà. Oh là, ah ouais! Le premier, c'est. Il y a une fin dans cette ville. Et ouais, bah, le premier. Le premier, c'est vraiment dans le titre de l'article. C'est un mec qu'ils ont croisé sur la route, ils lui ont posé la question. C'était, ah bah, et, sur le seul gars, large, et il nous manque. Sex shop. Bah surtout que vraiment il y a tellement d'autres jeux de mots à faire avec sexe. Non, mais surtout, alors est-ce c'est... que sexe vous... Ouais je pensais que tu faisais le ringard exprès, non c'est l'article qui est horrible. Ah oui non vraiment je... Il y a des trucs hein, où je cherchais tout, bah, le troisième mais que je pensais que t'avais fait exprès pour... mais que c'était une cata quand même. Ouais non pas du tout franchement j'ai essayé de faire un truc un peu plus, c'est un peu moins marrant que la bite à Macron évidemment mais j'ai essayé de faire un truc un peu plus chaud, vous voyez finalement vous êtes cassé le nez dessus. Donc du coup la ville de Sexe c'est située dans l'Ariège, voilà, et il y a quatre monuments, j'en ai cherché quatre, j'ai galéré à en trouver. Donc il y a Notre-Dame de Pitié qui est une église, le jardin de Curé qui est un jardin c'est très compliqué, et l'église Saint-Étienne de Sexe. Quatrième truc, c'était l'office du tourisme, ils en ont pas plus. Par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont un site internet, cette ville. Et donc sur le site internet, il y a une description qui est donnée par le site de la ville. Je vais vous la lire histoire de faire un peu de culture quand même dans ce, parce que je sens que ce qui va suivre, ça va pas être du haut niveau, donc je préfère placer la barre très haut dès le départ. C'est un village dont l'histoire imprégnée par des vagues de migration au siècle dernier a façonné une culture de l'accueil et de l'intégration. Les années 80 ont vu s'établir une population plus jeune venant essentiellement de milieux urbains. Ce support, trait d'union entre les élus et les citoyens, espère faciliter votre quotidien. Démarches administratives, scolarité, structure médicale, blablabla. Sexois, parce que les gens s'appellent les sexois. Les sexois depuis de longues générations, personnes venant d'autres horizons, gens de passage, bienvenue chez vous. Et ben, là, t'avais une question, Brice. J'ai... Ouais, c'est quoi l'URL de la ville de Sexe, s'il te plaît? Pour noter. Bah, c'est www.sexe.com. Ok, super. Ou .fr. Notez là où chez vous aussi. J'avoue que j'ai pas le. Voilà pour mon premier truc. J'en ai un troisième, mais je sens que la séquence commence à être un peu longue, donc je préfère vous laisser envoyer. On a 14 minutes, on est bien. Tout se passe bien. T'inquiète pas. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je continue, j'en fais d'autres pour la prochaine fois, ou est-ce peut que devenir ouais, ça m'a plu, ouais. Un petit deux par épisode, c'est bien. Ouais, bah je pense qu'il y en aura peut-être sur pour 4 ou 5 épisodes, hein, pas plus, mais... Bah, c'est bien énorme. C'est déjà plus que le nombre d'épisodes prévus, donc bon. Déjà. Mais du coup, alors, si je vous donne deux petites infos, pour Issus, par exemple, au 1er janvier 2024, Issus est catégorisé comme commune rurale à habitat dispersé selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'INSEE en 2022. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est le seul truc que j'avais en truc un peu de con. Et j'en ai un autre sur une autre ville, mais bon, je le garde pour plus tard. Ouais, bah, régale-nous. Ouais. Voilà. Bon, les gars, je décide du coup qui passe en suivant. Bah, je pense que ça va être Brice. Ok, très bien. Alors, moi, ça va prendre ça forme. Ça fait deux semaines déjà que tu nous teases sur ton truc. J'ai 25 ans, ça fait 25 ans que j'attends ça. voilà, moi ça va prendre la forme d'une devinette. Ok. Si vous trouvez la réponse. Donc, ça concerne la ville d'Aix-en-Provence et de Pertuis, donc les Aixois et les Pertuisiens. Donc, il y a des drones qui vont relier les deux villes, environ 15 km. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont transporter ces drones? Ça fait un peu débat, ça fait un peu réfléchir les habitants. Ça pose un peu des questions, est-ce qu'on va accepter ou pas ces drones? Qu'est-ce qu'ils vont transporter à votre avis? Est-ce que c'est des animaux? Est-ce que c'est des vieilles personnes? Ce n'est pas vivant. T'as dit quoi, Kylian? J'ai dit est-ce que c'est des vieilles personnes, mais avant que tu poses la question de est-ce que c'est vivant. Donc, Non, non plus, pas de vieilles personnes dans les drones. On est sur des drones, hein, ça peut pas être très lourd non plus. Bah, colis Amazon. Ouais. Non, pas de colis Amazon. Est-ce que si ça tombe, par exemple, du drone, ça peut tuer quelqu'un? Si ça tombe, ça peut pas trop tuer quelqu'un, mais c'est affreux comme truc si ça tombe. C'est de la merde? Non, mais on s'approche. Des œufs? Du pipi? Non, ni du pipi, ni des œufs, mais on n'est pas loin. Il transporterait du pipi aussi, en même temps. Alors que la merde, c'était tout déjà bon. Déjà la merde. Ouais, il y avait... Ah bah, je sais pas, pour une ferme, tu vois. Il y a une ferme à Aix, une ferme je sais plus où, là, à Pertuis. Bon, bah voilà, on transporte la merde. La pipi, non, bon... Non, non. Ça a rien avec le fait que ce soit deux villes... Enfin, ça a rien avec le fait que ce soit ces deux villes-là? C'est du sud? Parce que non, ça a rapport avec du sud? Il y a deux hôpitaux dans ces villes. Voilà, déjà, c'est un petit indice. Du sang. Du sang, exactement. Ah, très, très putain, bon. Trop fort. Du sang. Et pourquoi ça fait débat? Bah, parce que les que gens... c'est terrible. C'est du sang au-dessus de nos têtes à quelques mètres, parce que les drones, ça vole, je sais pas, quelques mètres. C'est stylé, quoi. Hein. C'est stylé. Bah ouais. Et en fait, c'est un test. C'est pour ça qu'on a pris deux villes pas trop loin. Plutôt que de faire des Nice-Marseille, on s'est dit on va commencer par 15 km. Pas sûr que ça tienne, surtout Nice-Marseille, quoi. L'autonomie d'Adrien. On va avoir chaud, surtout en été, quoi. Paris-New York. Non, après, j'imagine voilà. Que c'est pas du sang, genre ils transportent la poche comme ça en plein soleil. Bah, pour moi, si hélas, quoi. C'est comme ça que je l'imagine, en tout cas. Moi aussi, je l'imagine comme ça, la poche avec le petit bouchon prêt à. Exactement. Moi, je ne vois qu'une cible que Bart Simpson viserait, quoi. Enfin, c'est mais, voilà. Animé, moi, je trouve ça fou parce que le drone tombe en panne, il y a du sang sur la voie publique, comme ça. Tu trop prends bien. Du sang dans la gueule, quoi. Sur la route, sur le pare-brise, dans un parc, un gosse, quoi. Ça peut être et le début d'un... Et les tests sont prévus quand, du coup? Ben, ça commence cet été, là. Ça va être des tests pendant quelques années. Et si c'est bien, ben, ils vont ouvrir ça à d'autres flux. Il faut tellement sortir la carabine à flon, quoi. Je te jure. Mais vraiment, mais toi, t'as qu'une seule envie. Tirer dessus, t'as pas envie que les gens soient sauvés, quoi. Oui, bon, oui, évidemment que c'est vrai que je risque de tuer quelqu'un, mais imagine un vieux aspergé de sang à la carie, quoi, c'est extrêmement stylé, quoi. Après, est-ce que ce vieux a voté Marine Le Pen? C'est une question que tout le monde on a Aix, hein, donc oui. Sans doute, oui. Ah, Aix, c'est bien à droite. Bah, c'est le sud, hein, c'est dans tous les cas. C'est... Qu'est-ce que ouais, tu Marseille, Marseille c'est un peu à gauche, quand même, Marseille. Un peu, quoi. Ouais. Au législatif. Pas plus, quoi. Mais bref, pas de politique, pas de politique. Ici, non, on n'est pas. On est pas engagé ici. Surtout que Brice, ça lui ferait parler de Zemmour, donc c'est pas engagé ici, pas engagé. Non, non, mais je m'engage pas sinon. Ok, bah super, super info, Brice, qu'est-ce que tu. Voilà, bah c'est tout. Bah oui, en effet, c'est dégueulasse, oui. Voilà, c'est dégueulasse, c'est affreux. Je comprends pas comment on a pu dire oui pour le sang et pas commencer par autre chose, genre des médocs ou un truc moins. Moins rouge et moins tachant. Alors que pas de l'eau déjà. Du sperme. Mais de l'eau, c'était le test parfait. Non, mais un colis Amazon, ça aurait été parfait. Ouais, je pense vraiment qu'ils n'ont pas commencé par le sang. Je pense qu'il y a vraiment eu des tests jusqu'à. Ils ont saigné une pauvre femme en pleine rue, ils ont fait bon, allez. Ils ont chargé le drone. On met ça sur le. Non, mais je pense que vraiment, c'est un truc réfléchi. Hein. Je pense que ça vient pas de nulle part. Parce que j'espère. Après, t'as l'air contre. Non mais Aix, on est près de Lizaine, on connaît les ingénieurs qui sortent de là-bas. Bon, voilà, s'ils ont bossé sur le projet, ça va mal finir. Que dans l'article, des étudiants de Lizaine vont analyser l'acceptation sociale des essaims de drones. Si, si, bien sûr. Non. Si. Exceptionnel. Une structure de recherche a été montée et ça va rechercher. Attention, si vous êtes dans la région d'Aix-Pertuis, sortez les parapluies cet été. Même sous grand soleil, si ça sent l'hélico, il faut sortir le parapluie, c'est terminé. Mais surtout, je me dis, le sang, il faut qu'il soit bien protégé, parce qu'en été, il peut avoir très chaud. Pardon, ça m'a. J'ai été coupé, je viens de. Ça m'a coupé. Mais t'inquiète pas, N'insiste pas trop là-dessus, quoi. Ouais. Mais. Ouais, du coup, les gens de Lizaine, alors, il y a des gens de Lizaine ou. Ils vont analyser l'acceptation sociale, ils vont mener une étude, c'est pas eux qui font le drone, forcément. Ah non, non. Mais c'est possible. Mais attends. Mais parce que en tant qu'ingénieur, vous êtes aussi statisticien. Ça va, demande aux gens s'ils ont aimé le drone avec le sang. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour les drones de sang. Tu peux nous raconter ce que t'as fait pendant ton stage au Danemark ou pas? On parlera pas du stage au Danemark, voilà. Jamais. Ça sera pour une autre fois. Ouais. Il y a pas prescription encore, donc on va attendre un peu. Surtout pas. C'est vrai qu'à l'époque de l'entrée des artistes, j'y pensais à la fois. Je voulais pas trop qu'on dise de rêves ou d'anecdotes parce qu'on était proches des gens. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Que là, ils sont loin. On sortait du lycée, on entrait machin et tout. C'était un peu compliqué. Et maintenant, j'habite en Allemagne, j'en ai rien à foutre. Je vais tout dire sur Toulon maintenant. Il y a les traditions qui sont bonnes surtout sur moi. Et je m'en bats les couilles, faudra bien me chercher. Tu vas revenir à un moment. Non, je ne reculerai jamais de la vie, je reviendrai. On me laisse un micro, c'est terminé maintenant. Des têtes vont tomber pendant ce podcast. C'est qu'on va avoir un animateur de moins, Julien, tu peux pas faire ça. On a déjà un de moins, si on en a deux de moins, ça va être compliqué. Après, depuis l'atoll, ça marche d'enregistrer avec un téléphone. N'est-ce pas, Brice? Oui. Non, on a des ordures, on a tout ce qu'il faut, arrêtez. On est bien. Bon, voilà. C'est tout pour moi et cette news, donc je pense que Julien, tu peux enchaîner avec du lourd. Ah, ok, un gros dossier. Ah putain, mais trop cool. Bah c'est bien, du coup c'était par rapport à moi, c'était vraiment court, donc c'est parfait quoi. Ça contrebalance bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Si, moi j'ai une petite devinette aussi pour vous. Donc moi j'étais à Amsterdam ce week-end, voilà, c'était super. J'ai fait plein de choses comme aller au pute et fumer. Non, je suis pas allé au pute. Ouf. J'ai vu le carré. Mais j'ai vu le quartier rouge, attention. Ah, il faut quand même y aller, ouais. Jeter un coup d'œil. En vrai, surcoté à la mort, il faut le dire, voilà. Et en plus, j'ai mis l'anecdote hein, sur ce voyage que j'ai fait seul. Vous avez vu Las Vegas Parano, le film? Vraiment pas. C'est Johnny Depp qui prend de la drogue avec Benicio Del Toro à Las Vegas. Mais genre, ils prennent beaucoup de drogue, quoi. Okay. Et en vrai, se balader dans Amsterdam, étant défoncé à 14h, il y a un peu cette ambiance-là, tu vois. Ok. T'as l'impression que tout le monde te regarde. Ouais, genre, ouais, une petite paranoïa, quoi. Papa. Non, non, pas mais cool, en vrai, quoi, c'est migolerie et tout ça, mais c'est une expérience à vivre. Je la conseille, quoi. Et du coup, normalement, j'arrive dans une petite rue parce que je sais plus ce que je cherchais. Je pense que je cherchais un bar ou un resto. Et je sais pas, je vois une meuf habillée un peu court, quoi. Mais je me dis, c'est l'été, quoi. On s'habille comme et on en veut. En fait, il y avait un gars à côté d'elle, il était à côté d'elle, le gars. Il se renfroquait un peu, mais moi j'ai pas calculé quoi. Et après je continue la rue, et j'arrive quartier rouge, je fais c'était une pute quoi en fait. Vraiment l'abruti quoi. Et je fais non, ça fait sens. Bah clairement oui, le mec est. Bah il était pas là pour. Voilà, le mec il voyageait quoi, il découvre le pays et les traditions locales. Il a goûté. Hein. C'est typique ce qu'il a fait comme activité. Il a goûté. Ah, par contre, c'est typique, oui. Typique. Est-ce qu'il parlait avec un accent Non, mais par contre, c'est la ville la plus anglophone du monde. Tout le monde parle anglais. C'est la première langue du pays, hein, pour moi. Hein. En même temps, c'est tellement touristique que t'es. Bah, quoi qu'après, je dis ça. Mais même ceux qui. Même ceux qui travaillent, c'est cosmopolite, quoi. Il y a de tout. Hein. Ouais, ils recrutent de partout. Putain, c'est trop cool, ça. En Grèce aussi, ils font pas mal ça. Oui, parce que eux, ils sont. Pour les restos et tout. Ils sont dans la merde. Oh. Oh bah oui, après ça sort pas de nulle part, hein. C'est pas par choix. Hein. Oui, c'est ça exactement. Okay, moi, alors, du coup Amsterdam, du coup voilà, c'était super. Et j'ai fait des petites recherches sur la région. Et selon vous, qui surnomme-t-on les demoiselles d'Amsterdam? Les travailleuses du quartier rouge. Alors, c'est une partie de la réponse, mais c'est des travailleuses particulières qu'on cherche. Comment tu as dit déjà leur nom? Est-ce que... Les demoiselles d'Amsterdam. Est-ce qu'elles ont un pénis? Non. Ok. C'est les plus vieilles du quartier? Ouais, mais il manque une spécificité. Ah. Elles sont borgnes? Non. Dommage. Vieilles. Spécifique. Donc c'est des vieilles putes, ok. Des vieilles putes, ça c'est le terme. Les plus vieilles putes d'Amsterdam. Okay. Non, je sais pas. Ok. Mais il manque une spécificité. Elles sont d'origine? Pas d'origine, elles sont originaires du pays, c'est ça que je veux dire. C'est rien à voir avec les attributs. Elles sont encore en activité? Oui, mais il manque encore un truc. Ok. Elles ont, l'article que j'ai trouvé date d'il y a 10 ans, elles avaient plus de 70 ans. J'ai pas trouvé d'autres articles, donc elles sont sans doute décédées. Putain, mais on est d'accord qu'on a le droit de prendre un truc un peu plus vieux. Oui, oui, bah oui. Parce que, regardez. Parce que imaginez, vous dites la bonne réponse, moi je vais devoir les citer, les demoiselles d'Amsterdam. Donc, vous m'avez pas dit Chief, par exemple, déjà, de combien sont-elles, ces plus vieilles putes? Ah, je sais pas, elles sont 5. Non. Ou plus, elles sont plus, moins. 50. Non, non, elles sont beaucoup moins. Ah, elles sont 2. Il y en a une, en fait. Il en reste qu'une. Deux. C'est genre ouais, c'est... Mais elles sont 2 et... Elles sont sœurs. Elles sont sœurs. Jumelles. Elles sont jumelles. Elles sont sœurs jumelles, ah, voilà. C'est les deux putes jumelles d'Amsterdam, bravo. Ils ont 80 ans aujourd'hui. Ou mortes, je sais pas. Ou mortes, ouais. D'accord, ah bah oui, parce que c'est vrai que l'article a 10 ans, donc d'ici. Et... C'est dommage, on pourra pas goûter vraiment le truc le plus typique, quoi. Elles travaillaient ensemble ou c'était séparé quand même? Bah écoutez, je voulais lire l'article. Bah j'espère ensemble. Ah bah ouais. Alors, déjà elles s'appellent Martine et Louise Fokens. Et voilà, 70 ans chacune, plus de 100, ouais, 80 ans aujourd'hui. Plus de 100 années à reporter les ruelles d'Amsterdam, putain, là, les ringards. Voilà. Louise a quitté la profession depuis 2 ans, mais elle coule pas. En raison de problèmes de santé, incompatibles avec les obligations du métier. Bon, bah. T'appelles plus de mâchoire. Syphilis. Ou la syphilis. Martine, okay. Tient, quant à elle, ses rondes pour joindre les deux bouts. Aïe aïe aïe, Martine. Ah, oh, la pauvre, ouais, c'est horrible, ouais. Hein, ça part vraiment d'un truc le plus horrible de la Terre, quoi, le capitalisme. Ouais, mais je veux dire, de pute jumelle, ça va faire rire, quoi. Ouais, mais alors, Brice, question pour toi. Tu préfères te taper les deux plus vieilles putes ou les deux plus jeunes putes? Oh, ah, non. Pas de ça ici, oh, pas de ça ici. Non, mais non, okay, mais il n'y a pas de... C'est sa question, il va c'est choisir vrai, les vieilles, il va choisir les vieilles, comme tout le monde. Connaissant le pays, c'est réglementé, tout ça, les deux plus jeunes, elles sont dans la légalité, donc c'est oui, normalement, elles sont censées être dans la légalité. Donc elles sont majeures, mais donc dans les faits, pas. Dans les faits, elles ont peut-être menti. Non, mais dans les faits, c'est... Dans les faits, évidemment que c'est non, en fait. Ok, Brice. Et du coup, Brice, tu préfères des enfants... Oh, pardon, j'arrête là. C'est une info culturelle, quand on y retournera tous ensemble. C'est quoi leur petit prénom, tu nous as dit, là, je note. C'est Martine et Louise Fokens. Ok, et eh ben j'espère qu'on y verra. T'as un numéro à nous fournir? Une adresse mail peut-être à nous fournir? T'as un Insta à nous donner? J'ai une carte de visite. Il y a un lien pour. Alors, est-ce que, question uniquement d'ordre informative, mais il y a les prix affichés? Enfin, comment ça se passe exactement en fait le quartier rouge? Maintenant, tu es un aficionados là-bas. Ils prennent la carte? Non, mais t'as juste t'as des meufs en vitrine et après il faut rentrer quoi pour discuter du bail, je crois. Y a pas. Les prix sont pas dessus quoi. Enfin, sur les meufs, peut-être une connerie quoi. Ouais, ou sur les meufs. Genre une étiquette. Ah, je dis peut-être une connerie, mais j'ai pas vu de truc. Mais moi, je pense que le prix est un peu à la tête du client. Faut me corriger. C'est pour ça que c'est pas affiché. Ah, peut-être. Hein. Ah, y a moyen. Bah oui, sans doute. Ah ouais, large. T'es un habitué, une petite réduction. Sur l'économie locale, comment ça va. Ouais, je peux raconter comment ça se passe dans les capsules hôtel. Putain, ça aussi, c'était une bonne expérience. Ah putain, du coup, alors, mais vas-y, explique-nous un peu, qu'est-ce qui s'est... Non, mais capsule hôtel, t'arrives dans un espèce de bâtiment un peu chelou, où t'as fait un check-in tout seul sur Internet, après t'as une espèce de clé numérique pour ouvrir le bâtiment toi-même, donc t'ouvres, okay. Et après tu rentres, il y a un espèce de gars qui t'accueille, qui t'explique le principe et tout, et qui t'installe, qui te file une serviette, et qui te montre ton pod... Genre ouais, c'est un carré quoi, et il y a un lit, et qu'une lumière, un petit filet pour mettre ton téléphone, une prise, et en dessous du lit, une espèce de petit coffre où tu peux mettre ton sac, ta valise, tout ça quoi. Comment ça se passe pour les toilettes et la salle de bain? Ouais, mais c'est... Bon, il y a un truc un peu à part, et c'est commun aussi, mais c'est hyper clean, hyper neuf, ouais, le truc il a que quelques mois. Et t'as croisé des gens? C'est trop bien, quoi. Ah bah oui, il y a que ça, quoi. Bizarre. Et c'est un dortoir, ouais, c'est pas mal, mais c'est... Et du coup, c'est quoi? Enfin, ça va, c'est pas cher, niveau prix et tout? Non, c'est pas cher. Pour 3 ou 4 nuits, j'ai dû en avoir pour moins de 300 euros, quoi. Ouais, Amsterdam... Surtout pour Amsterdam, voilà, c'est ça. Et le bruit, Amsterdam, c'est deux fois le prix, quoi. Bah non, en vrai, un peu le matin, tu sais, t'entends les sacs et tout, mais je me réveillais tôt, quoi. Ça va, ça va. Mais le soir, non, non. Enfin, moi, je dormais, quoi. Enfin, tu sais, quand... Ouais, puis après un tour au quartier rouge, on est fatigué souvent, donc on dort bien. On a un peu claqué, ouais. On remonte sans froc, sans froc dans la rue. Putain, j'ai fait premier soir, je m'étais levé à je sais pas quelle heure et tout. J'ai pris le train à 6h, j'étais arrivé à 13h. J'ai fumé un énorme joint. Et le soir, j'avais un concert de Pearl and the Oysters, qui est genre un groupe que j'ai découvert sur le site de... Comment ça s'appelle de la salle de concert, quoi. Parce que je me suis dit, je veux me faire un concert dans cette salle-là. J'ai cherché de mes dates, j'ai trouvé Pearl and the Oysters, et c'était cool, quoi. Et du coup, j'y vais, mais genre toute la journée, et genre t'as pas de place assise, quoi. C'était qu'une fosse, quoi, en gros, la salle. J'avais tellement mal aux jambes, les gars. Bah, tu m'étonnes. Ouais, je suis rentré, je suis arrivé dans le pod, je l'ai plus quitté, quoi. Enfin, genre, y a rien eu, quoi. C'était rideau. Et du coup, t'es parti solo avec quelqu'un, parce que... Non, je suis parti en solo. Ouais, t'as kiffé, quoi. Tranquille, quoi. Ouais, bah... Au bout d'un moment, c'est vraiment pas cher le billet de train, quoi, donc j'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Bah, carrément, ouais, c'est comme, tu sais, genre, quand t'habites à Paris, tu vas à Londres ou quoi, tu vois, genre, tu passes un week-end là-bas. Ouais, du coup, ouais, je fais ça, c'était marrant. J'ai visité. Pas mal, pas mal. J'ai pas trop fait de musée, tout ça, cool. Parce que ça me cassait les couilles, mais... T'es allé chez Anne-Franck? Ouais, bah, on les fera quand... Non, je suis pas chez Anne-Franck. J'ai fait le musée Heineken. Ça, c'était marrant. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ah, putain, c'était sûr. Ça, c'était marrant. Oui, et il t'offre deux bières. Beaucoup mieux, Boris. Pourquoi beaucoup mieux, Boris? Non, beaucoup mieux. Enfin, c'est plus divertissant, quoi. Plus joyeux, ouais. C'est plus joyeux. Plus joyeux, ouais. Est-ce qu'elle offre deux bières? Si, je suis allé voir... Ah oui, par contre, non. Mais je crois qu'il y a un bar pas loin. Non, non, par contre, après, je suis aussi allé voir... J'ai mangé un space cake et je suis allé voir le dernier Destination Finale. Très marrant. Oula. Putain. Très bon moment. Bah, c'est le truc à faire, hein. Je pense qu'il était mieux avec le space cake, ou... Ouais, mais enfin, le film est vraiment marrant pour le coup. Et c'était en VO ou en... Ouais, c'est en VO, ben, je te jure, c'est les cinémas là-bas, je pense que les trois quarts des séances, elles sont en VO, quoi. Ben, ça, c'est super. Bah, ouais, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas trop ça. Enfin, il y en a des séances en VO, mais pas autant. On privilégie de ouf. À 10h du matin, un mercredi. Il y en a, ouais. Ah, souvent le soir, ils mettent. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou le soir, oui, très tard. Putain, bah, pendant le ciné, je suis allé voir le dernier Mission Impossible. Ah, je l'ai vu aussi. Et ben, écoute, Amsterdam. Alors, ok. On est d'accord, l'histoire. Mais j'ai pas vu celui d'avant, moi, déjà. Ah, bah, déjà, tu perds une. Mais j'ai compris. Hein. Mais... Non, j'ai tout compris. Oui, bah, il répète tout 15 fois. Il passe le film à tout répéter. Ouais, non, mais clairement. Mais, par contre, putain, c'est un. Putain, comment on dit ça? C'est un. Merde. Un truc de sable, là où les enfants s'amusent. C'est un bac à sable. C'est genre, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient, quoi. Tout ce qu'ils voulaient faire. Ça s'arrête pas, c'est deux dernier. Heures, ça s'arrête pas, c'est... Ah ouais, mais c'était l'éclate, moi je me suis éclaté. L'histoire, j'étais pas en mode c'est génial, par contre, c'est vraiment le truc, ça... Non, bah, l'histoire, j'aime partout, bien. Partout, ça fait... Bah, franchement, ils sont... Enfin, je sais pas, je trouve que c'était... Pas trop, tu vois, mais genre, vraiment, quand ah, tu oui, regardes bah, l'ancien, c'est mieux, trop. Quoi. Non, mais évidemment que c'est trop, mais... C'est vraiment, enfin... Tout se joue au dernier soir, genre moi j'aime bien. Moi. Mais ouais, je me suis éclaté, genre j'ai pas, franchement, ça m'a fait marrer tout le film, quoi, genre. Après, ouais, moi j'ai pas trouvé que c'était le film du siècle, quoi. Enfin, moi j'aime bien quand c'est trop, mais on se fait mi chier, mi la réal, parfois elle est pas top, mais en même temps parfois les cascades, c'est tellement ah, bien. Mais c'est fou, ouais, c'est. La dernière, elle est folle là, enfin tout. Sur tous les l'avion. Trucs. Ouais, l'avion, c'est n'importe quoi. Bah, c'est tellement bien. Mais quoi. Je me demande, faudrait que je regarde un peu les making of ou quoi, tu vois, parce que. Mais tout est vrai. J'arrive pas. Il a juste un câble ouais, qui tient à l'avion, mais c'est tout. Il y a pas de mais parachute. Mais ils sont aussi haut dans le ciel et tout, quoi. Oui, parce qu'il est fou. Ah ouais, c'est dinguerie, hein. Le mec à 60 balais, il fait il a juste un câble, gars. Putain. Bah, le mec est trop fort. Le mec est fou. On pourra tout dire de lui, hein. Il est dans une secte et machin, mais le mec est trop fort. Il est fou. Une secte, donc Boris conseille va voir le film. Ouais, j'essaierai peut-être. Bah, c'est pas une secte, mais c'est une branche un peu bizarre. On est une. Voilà. Mais ok, bah écoute, Amsterdam, affaire. Bah affaire avec vous. Voulez-vous que j'embraye? Bien sûr, un nouveau jeu de mots là, de suite. Ou t'avais une autre actu, Julien? Tu peux continuer si tu veux. Bah non, mais si tu veux, ton actu était pas fini peut-être sur Amsterdam que... Je peux continuer si vous voulez. Ah, allez, vas-y. On t'écoute. Qu'est-ce qu'on a alors? Bon, j'ai un titre qui m'a fait un peu marrer, que j'ai trouvé. Robin, virgule, atteint de trisomie 21, virgule, et le roi du retournement de crêpes. Voilà, fin de l'article. Et alors, comment il fait Robin pour être le roi du retournement? Alors, qu'est-ce qu'il vous fait? Bah, il travaille dans un restaurant, le Brownies and Donies. Donc, c'est dans à Thiel, aux Pays-Bas. Ouais, j'ai pris vaste. Et puis voilà, non, c'est le proprio qui aime bien engager des jeunes qui souffrent de handicap. Et c'est juste que voilà, Robin, il y avait une petite vidéo de lui qui a tourné sur le réseau. Et c'est juste le GOAT, en fait, quoi. Tu dis le roi, il y a eu un concours, il y a eu quelque chose TikTok, ou... j'imagine, tu sais. Non, il y a une vidéo, tu sais, un peu virale, mais tu sais, c'est RTL Info, quoi. Du coup, bah, allez, ça peut faire, ça fait les 100 caractères, tu vois. Le mec a validé sa pige, elle est terminée. Bah, voilà, c'est ça. Il explique comment on retourne une crêpe. On s'en bat les couilles. Super article. Ah, mais je vois, vraiment, putain. Mais franchement, bonne actu. J'en invite un troisième à une devinette aussi. Aux Pays-Bas, ils ont inventé une nouvelle façon de payer les leçons de conduite, finalement. En nature? Laquelle est-elle? Putain, c'était en nature. Ouais, mais alors, vas-y, explique. Ouais, parce que là, ça doit être... Oui, voilà. Pendant la conduite? Non, c'est un truc, attention, c'est très réglementé, parce que la prostitution, c'est légal, comme on l'a dit. Ah, et ouais, du coup, cette méthode, c'est uniquement le prof qui peut demander. Parce que sinon, si toi t'es en train de conduire et tu dis je peux te sucer contre l'heure de conduite, ça marche pas, c'est de la prostitution illégale. Faut que ça vienne du client. Oh, c'est l'inverse, mais bon. Quel enfer. Ah, oui. Ah, je trouve ça tellement horrible. C'est les lois. D'accord. Ah, mais c'est presque pire, tu vois. Enfin, là, dans cette situation-là, je trouve ça pire. C'est vraiment le mec, il voit une petite jeune, il fait hey, toi, tu vas pas la payer, tu vas me sucer. Enfin, genre, c'est... Non, parce que je pense qu'il y a des signes qui ne trompent pas, peut-être, j'en sais rien. Oui, s'il s'entend bien et qu'elle parce a que c'est... trop de cul, bon, ben. Parce que oui, c'est... Non, mais surtout, c'est selon la loi, quoi. Que, voilà, je dis ça. C'est juste que. Dans les faits, de c'est se différent. Se serrer la main dans ce sens-là. Oui, voilà, dans les faits, ouais. C'est sûrement différent. Parce que c'est mais la loi Ride for Ride. Avec le site le Bonbon qui a proposé une traduction chevaucher pour une course, voilà, des putains d'arrières. Pas mal. Et c'est bien mieux en anglais pour le coup. Bah oui. C'est quoi les tarifs un peu? Genre une heure, deux heures, combien ça coûte? Le permis en entier fin... Non mais je pense que tu peux, parce que c'est marqué ça aussi, tac tac tac. Toute personne de plus de 21 ans, voilà déjà. Oui voilà, la prostitution aux Pays-Bas, ça passe à 21 ans, donc on a l'âge de la plus jeune pute, Kylian. Ouais. Après, est-ce qu'il y en a qui mentent sur leur CV peut-être? Oui, c'est vrai. Non, mais je dis ça pour Brice. Ça peut l'intéresser. C'est un truc horrible, je le fais passer pour un énorme pédo. Je vais recevoir des lettres de menace. Selon la ministre des Transports, Mélanie Schultz, les leçons de conduite vendues contre du sexe ne révèlent pas de la prostitution, puisque les services sexuels ne sont pas proposés directement. C'est hyper réglementé. N'importe quoi. Cependant, l'inverse est illégal et constitue un délit flagrant. Il n'est donc pas légal de proposer du sexe contre des leçons de conduite. Bien entendu, il est essentiel que les personnes concernées soient majeures. Et oui. Et oui, parce non, que, en majeur. Fait, avec, parce qu'avec cette méthode, c'est que c'est pas fiscalisé, en fait, la pipe, quoi. Ah, ben oui, c'est vrai, ça. C'est ah une ouais. moyen de contourner le fisc. Ben clairement. Oui. Ouais, putain, ils sont forts. Putain, mais les gars, voilà, ils gagnent deux fois, quoi. Ah, ben c'est très très fort. Mais est-ce que du coup t'as quel pays en tout cas les pays-bas? Le moniteur il met quoi dans le logiciel pour dire que quelqu'un a payé? Tu vois, il y a des gens ils mettent carte bleue espèce, lui il met pipe, genre et après les impôts ils font ok, tout va bien. Pas. Je pense que pour éviter le fisc il inscrit pas, tu vois, il fait style. Ouais, ah il ouais, se fait sucer, je rentre à la maison. Oui, je pense que t'as pas à le déclarer quoi, du fait que ouais, c'est payé. Ok, putain, pas mal. Mais du coup c'est trop facile. Ou alors c'est défiscalisé, c'est pas marqué ça. Attends, c'est peut-être marqué. La profession est légale, réglementée, soumise à fiscalité, que toute personne de plus de 21 ans peut demander un permis. C'est juste que là, dans ce cas-là, ça sera pas, oui, parce que oui, forcément, c'est légal, oui, la prostitution, c'est soumise à fiscalité. Mais là, vu que c'est en échange d'une leçon, oui, oui, il n'y a pas de. Ok. Je pense que tu déclares bien, pas. Mais quoi. On revient au troc du Moyen-Âge, quoi. On est. C'est ça, c'est... On échange des. Pas mal. Des services. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que le système. Quand le système s'effondrera, ça fonctionnera comme ça. Après, nous, on a déjà le permis, donc bon. On est ouais, qui content, enchaîne. Ouais, moi je veux passer le permis moto, je suis prêt à sucer. Ça y est, tu te sens. Non, je me sens. Permis moto, ouais. Rien à foutre, hein. Envie moi, de sucer. Juste... peux même repasser le permis voiture bon, s'il faut. Bon, bah, prochain truc, c'est... Ouais, bah... Je vais juste prendre des heures de conduite pour rattraper un peu du retard. Ouais, s'ils si ont des monitrices. Prochaine info. Je vais essayer, pareil, bah, du coup, je vois que vous essayez de faire un peu deviner. Bah, on sort un peu au flou de casse sans vouloir, voilà. Mais, du coup, je vais essayer de vous faire deviner, ah bon je vais essayer de vous faire deviner aussi, un peu ma dernière, j'en ai d'autres, mais en tout cas, une de mes dernières, actus. Alors, ça remonte. Il y a eu deux articles. Il y en a eu un en 2024 qui reprend un peu le truc, mais qui était payant, donc j'ai retrouvé celui de 2020, qui est un peu mieux. Alors, en gros, il y a certaines personnes qui sont venues chercher quelque chose d'une légende, un objet magique, en Occitanie. Est-ce que déjà, au niveau d'objets magiques, qu'est-ce qui vous vient un peu en tête? Voilà. Non, mais ça me dit quelque chose, cette histoire. Non, non, je sais pas. Bah, vraiment, le Graal. Ok. Maintenant, qui serait venu chercher le Graal en Occitanie? C'est-à-dire? Alors, c'est des personnes particulières. Ouais, c'est connu. C'est connu. Un gars, non. Plusieurs gars, ouais, mais c'est connu. Le FBI. Très, très connu. Ah, bah, le roi Arthur, quoi. Ouais, presque. Pas la table ronde, quoi. Pas du tout. Non, non, non. C'est arrivé il y a à peu près une centaine d'années. Les Allemands? Les Indiens? Ça donne alors, les Allemands, ouais, mais quel Hitler, type d'Allemands, exactement? Hitler est allé chercher le Graal. Quel type d'Allemands? Les nazis. Ah putain, mais c'est vraiment... On est dans Indiana Jones, quoi. Ouais, ouais. Bah, en gros, c'est ça. En gros, c'est... alors, je vous lis juste le titre de l'article, ça s'appelle « Histoire de points ». À Montségur, ces expéditions nazies qui voulaient débusquer le Graal. Exceptionnel. Donc, je vous remets dans le contexte. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à écrire en des gros, films? Mais franchement, surtout que tout pourrait être basé. Mais je pense qu'ils ont tout pris, ils ont tout pompé. Ils ont tout pompé, hein, ça sort pas de pas. Ils ont tout pompé. Non, alors, je vous lis quelques petites parties de l'article qui sont un peu cool, parce que vraiment, la chute est quand même pas mal. Ils ont ouvert. Ah bah, après, est-ce qu'ils l'ont trouvé? C'est la question qu'on va se poser. La croisade contre les albigeois et les destructions progressives de l'ensemble des hérétiques cathares. Alors, je suis allé chercher ce qu'était un Qatar pour vous, et pour c'est un pays, auditeurs. C'est le professeur du PSG. Ouais, voilà. Un Qatar était un membre d'un mouvement religieux chrétien dissident, actif principalement dans le sud de la France, notamment en Occitanie. Alors, ma recherche, c'est ChatGPT, hein, je vous avoue. Aïe. J'aurais pu vraiment chercher sur Wikipédia. entre le 11e et le 13e siècle. Les Qatars prenaient une foi dualiste, croyaient en un dieu. Tout est faux, potentiellement, mais je pense que là, tu vois, c'est fiable. D'après moi, c'est fiable. Les Qatars prenaient une foi dualiste, ils croyaient en un dieu du bien, créateur du monde spirituel, et un dieu du mal, créateur du monde matériel. Ils rejetaient l'église catholique, qu'ils considéraient comme corrompue. Leur mode de vie était ascétique, et ils prenaient la pureté. L'église a lancé une croisade contre eux, les croisades des albigeois. Ok, les qualifiant d'hérétiques. Le château de Montségur fut leur dernier bastion. Là, vous commencez à sentir le truc. Donc, en gros, il y a eu des croisades, et de ce que les nazis auraient retenu, et je vais aller un peu plus loin sur les nazis après, mais ce serait que les Qatars étaient les derniers à avoir possédé le Graal. Et que donc, de cet objet magique, ils l'auraient caché, et que ce serait un secret gardé un peu, bah, ça fait un peu complotiste, tu vois, mais que c'est un secret gardé par un peu tous les anciens. Déjà, le Graal, on est d'accord que c'est l'espèce de vase dans lequel ils ont récolté le sang de Jésus sur la croix, quoi. Exactement. Pour mettre tout le monde d'accord. Et le fait de boire dedans donnerait la vie éternelle. Et sachant qu'il faut pas regarder au centre du Graal. Si on regarde au centre du Graal, je sais plus. Il y a une meuf à poil comme dans les verres de saké au Japon. Non mais. Surtout pas regarder. Il y a un vrai truc derrière le centre du Graal, mais je l'ai plus en tête. Je regarderai après pendant le. Bon, mais, ouais, ouais, la connaissance du Graal s'arrête à Monty Python et Kaamelott, hein, donc bon, évidemment que je connaissais pas l'info, quoi. Alors, je vais regarder directement, comme ça on fait. Non, mais je pense que ce que Julien a dit est bon. Hein, ouais, je pense que j'ai la bonne théorie en tout cas. J'ai l'inspiration, pareil, ils ont tout pompé les Japonais au Graal. Ils sont partis du Graal, ils ont fait ça. Alors, là j'ai peut-être un truc. Après, on n'est pas obligé de tout savoir non plus, hein. Faut garder une part de mystère. Hein. Une part de mystère. Non, mais voilà. C'était pour les esprits le plus pur. Le Graal suscite confrérie de la table ronde, quête fervente qui sent les chevaliers de haut degré de perfection spirituelle, blabla. C'est en effet au plus jeune et au plus pur des chevaliers qu'il est donné de toucher le Graal et de regarder à l'intérieur avant de rendre l'esprit, subjugué par la beauté de la vision. La coupe est alors emportée au ciel par une main mystérieuse. L'objet à jamais hors d'atteinte devient le symbole de l'inaccessible infiniment désirable. Bah putain. Voilà. Il y avait un truc avec le truc au milieu qui était pas joyeux, mais au final... En effet, faut pas regarder, ouais. Ouais, alors, dans la mythologie, on voudrait... Oui. On revient aux nazis, mais ok. Ouais, on va jusqu'aux nazis, là. Donc, les nazis. Durant les années 30, les milieux érudits, notamment en Europe du Nord, redécouvrirent la civilisation romane ainsi que le catharisme. Donc, l'arrivée au pouvoir du Parti National Socialiste pardon, en Allemagne permet de donner crédit à cette théorie... Des gens de gauche. C'est socialiste, hein, gens... permet de donner du crédit à cette théorie et d'obtenir des financements pour organiser des expéditions archéologiques à la recherche du Graal. Une épopée qui inspira jusqu'au scénariste du premier opus d'Indiana Jones. Tu vois, donc ça vient pas de nulle part, c'est un vrai truc. Voilà. Et par contre, ils avaient vraiment volé tout l'argent des juifs, quoi. C'est quoi ce fric monstre pour aller chercher le putain de Graal? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi? Ah, mais vous allez voir, il y a un plot twist à la fin. Afin de comprendre comment ces théories normalement limitées au salon de conservation entre passionnés scientifiques ont pu être financées par l'État, l'Allemagne nazie convient de comprendre le rapport de l'idéologie nationale socialiste aux religieux au surnaturel. L'Allemagne nazie n'est pas seulement contentée de persécuter la religion juive et les juifs, elle a également entretenu tout un rapport théorique aux autres religions monothéistes et polythéistes. Et ils ont pas fait que du mauvais. que du mauvais. Les... Ça bossait, en tout cas, ça bossait, voilà. Ça, on peut pas leur enlever. Ah, bah, tu vois. Et ben, en vrai, c'était des bossards. Hein. Et si jamais ils étaient pas nazis, enfin, si jamais il y avait pas les juifs, ils auraient remonté l'économie du pays, hein, moi, je te le dis. Hein. Bon. Ça, c'est la gauche, de toute façon. Donc, il faut comprendre que dans la vision du nazisme, il doit combler un manque en prenant la soi-disant supériorité de la race aryenne et en faisant remonter le peuple germanique contemporain à un prétendu peuple supérieur aryen. Il lui faut prouver cette supériorité par une mythologie précise, dont des éléments historiques et archéologiques qui, eux, sont véridiques. Bien que majoritairement chrétienne, l'Allemagne nazie doit donc progressivement renouer avec une religion germanique originelle que nombre d'organisations comme la Société de Thulé, fondée avant l'arrivée des nazis au pouvoir, vont tâcher de théoriser. Ok ? Ouais. Donc ça, c'est un peu le truc. Ce qui se passe, c'est que ça vient un peu d'un homme. Alors, ça va un peu plus vite dans Indiana Jones, hein, selon moi, je crois. Ouais, ouais. Le début est un peu moins long, ouais. Non, vous allez voir. Alors, il faut que je reprenne un peu le truc, parce que l'article est long, quand même, et que j'ai ah bon. Écoutez, je fais un truc. Alors, pourquoi le château de Montségur comme emplacement du Graal? Est-ce que vous avez peut-être une idée, ou pas du tout? Bah, c'est un château, quand même. Ok, ouais, bon, c'est un château, ça, l'idée est là. Mais en gros, l'essentiel de cette hypothèse repose sur les travaux d'un archéologue allemand, du nom d'Otto Rahn, R-A-H-A-N. Fasciné par les mythes et légendes germaniques, ainsi que par le catharisme et la culture occitane, il mena dès le début des années 30 de nombreuses expéditions dans l'Aude et en Ariège, afin d'explorer les châteaux cathares et les minces vestiges de leur existence. Il formula une thèse basée sur la légende germanique de Perzival, avec un Z, mais qui revient, je pense, un peu à Perceval, dans laquelle il est fait mention d'un lieu appelé Monsalva, dans lequel serait le Graal. Et l'étude étymologique de Monsalva amène au château de Montségur. Monsalva, en fait, en cathare et en français, c'est Montségur. Ok. Selon lui, l'extrême violence des croisades menées par les rois capétiens contre les cathares dans le Midi ne pouvait avoir qu'un motif plus important que la simple raison religieuse, économique et politique. Il en conclut donc que les cathares devaient être les derniers gardiens du Graal, lesquels devaient avoir des pouvoirs magiques importants. Tu l'as dit, ça. Voilà, oui. Avance, putain, c'est merde. Donc, cette théorie qu'il développa dans les dernières années de sa vie, et ça a un sens après, la cour de Lucifer. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle La cour de Lucifer, qui est publié en 1937. Elle a attiré l'intérêt de Heinrich Himmler, lui-même, qui en fit, de Otto quelque chose, un officier de la SS, afin de permettre de financer ses expéditions dans le Languedoc et ailleurs en Europe. Sa quête l'y en conduit jusqu'en Islande, etc. Il mena des années durant une enquête d'envergure pour confirmer son hypothèse, rencontrant des bergers, des paysans, des connaisseurs et universitaires locaux spécialistes du catharisme de l'époque médiévale. Donc, il explore tout ça, enfin, un peu tous les coins. Et en tant que membre de l'état-major, il rencontre à plusieurs reprises Heinrich Himmler et Karl Maria Wilgut, que je connais pas trop, mais qui est maître du mysticisme allemand. Alors que Himmler... Ce qui s'est pas... Oui, alors que... pas du mysticisme. Il est maître d'autre chose, mais pas du mysticisme. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que Himmler, il a offert la cour de Lucifer, le livre que Otto a rédigé, à Hitler lui-même. D'accord. Oui, c'est ça. Himmler, il a offert à Hitler le livre de Otto. Une roco, par contre, la fin, donc la fin, c'est qu'ils ont évidemment pas trouvé le Graal, hein, bien sûr. Mais en tout cas, la fin de l'anecdote, c'est surtout que il y a un mystère autour de la mort de Otto qui a été retrouvé congelé. En gros, il a été radié de la SS parce qu'il n'arrivait pas à prouver des documents qui certifiaient son arianité, sa mère étant d'origine juive. Les conditions de sa mort demeurent un mystère, bah, pour personne. Hein. Son corps fut retrouvé congelé en 1939 sur le massif de l'Empereur en Autriche, alors allemande. Voilà. Certains évoquent un assassinat perpétré par les nazis en raison de sa judaïté. Bah, évidemment que c'est ça. Hein. D'autres pour sa prétendue homosexualité. Évidemment, hein, élément qu'on n'avait pas encore. Et d'autres évoquent un suicide suivant le rite cathare. Ouais, ça, c'est les gens qui sont nazis, je pense, qui pensent à ça. Voilà. Mais en tout cas, il y a toujours un mystère qui plane, un peu comme Dupont de Ligonnès en France, de savoir comment est mort ce monsieur. Voilà pour l'actualité des nazis en Occitanie. Eh ben, super. C'est pas très actuel, mais en tout cas... Non, mais tu, à chaque fois, tu feras un point sur les nazis en Occitanie, c'est... Bah, je peux pas faire un monde jusqu'à toi, quoi. Les gars, faut que... Ah, et attention. Attention. Voilà, c'est vrai que j'ai même pas pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé? Super. C'est le point historique, un peu historique. Okay, bah alors, je vais poser une autre question. On a appris des choses. Si jamais. Ouais, désolé. Non, mais moi j'ai bien aimé ce petit point histoire. Je savais pas qu'Indiana Jones, ça venait d'une histoire vraie. Donc... Mais par exemple, si. Genre, de tous les objets un peu magiques et tout, genre même baguette d'Harry Potter et tout, ce serait quoi un peu le truc qui vous plairait d'avoir? Genre là, demain, vous dites, ok, putain, je peux faire un truc, qu'est-ce qui vous tente le plus? La DeLorean, c'est pas mal en vrai, non? Très très bien. Retour vers le futur. Ouais. Donc remonter dans le temps en fait, ouais. Enfin, même aller dans le futur, je sais pas, ouais, remonter dans le temps. Non, c'est pas mal, y'a quoi c'est... d'autre Brice, t'as quoi toi? Mais attends, la question c'est quel objet qui n'existe pas j'aimerais créer ou il faut qu'il ait déjà. Enfin, ouais, qu'il existe magique, dans le. Non. Bah, quel objet de la pop culture, enfin un peu de. Mais... Ouais, ou légendaire, ou magique. Baguette. Ou... La baguette d'Harry Potter, enfin une baguette de sorcier quoi. Non, une baguette de sorcier. C'est pas mal ça. Ah, c'est la classe, tu dis des petits trucs et tout, non, c'est trop bien. Un peu, ouais, mais tu la casses et c'est baisé, quoi. Ouais, mais c'est bon, personne ne la casse, on n'en parle jamais, ça, dans les films. Ouais, surtout si t'es le seul à en posséder, qu'est-ce que tu fais avec? Juste, tu fais comme, genre, Axio Billard dans le frigo? Bah ouais, non, je répare mes lunettes, je fais comme Harry Potter. Que tu vas t'en servir, pourquoi? Mais toujours le côté bricolo, quoi. Mais non, mais... Le fou du village, hein. Il y a la lumière. Le mec, il peut avoir tout. Il peut avoir Excalibur, il pouvait avoir tout. Le mec, il dit, ouais, non, mais... baguette, comme ça, je répare les lunettes. S'il faut monter un meuble, hop, je... De toute façon, ils font quoi avec? Ils font quoi avec? Étagéro, hop, une étagère fixée. Ils font quoi avec? Soit ils font des trucs de merde, du style tourner les pages du bouquin, soit ils tuent des gens. Donc, il n'y a pas de juste milieu avec Harry Potter. Oui, mais c'est toi qui a demandé. Oui, mais c'est... on te l'a pas imposé. C'est toi qui choisis. Non, mais juste pour la classe, d'avoir un petit bout de bois qui peut faire plein de choses. Tu peux dire, je sais pas, le bâton de Gandalf, des trucs. Non, très bien. Et il y a quoi sinon? Ouais, non, moi, la lampe d'Aladin. La lampe du génie d'Aladin. Ouais, donc, mais ça, trois vœux. Bah, trois vœux, je demande une baguette pour Brice, ce connard, et. Et les autres, je profite, quoi. Je dis, voilà, ou je dis que Brice n'ait jamais aucun problème à bricoler des choses dans sa vie, et voilà, mon vœu est réalisé. Ouais, mais il suicide, là, il a plus rien à faire après, quoi. Bah ouais. C'est important quand tu bricoles, c'est pas. Ah ouais, la lampe du génie, je pense que c'est. Le résultat. Exactement. C'est le chemin. C'est le chemin, exactement. Voilà. Et est-ce que vous auriez engagé, par exemple, si genre tu devais sacrifier Luan, Brice, pardon, est-ce qu'on peut dire les noms ou on faudra biper? Non, on peut dire. Si tu devais sacrifier Luan pour une baguette magique, tu la sacrifies ou pas? Non, je resterai un moldu, c'est pas grave. Ah, pour bricoler, Brice, pour bricoler, hein. N'oublie pas qu'elle a pas les lunettes, quand même, c'est une baguette. Ah, oui. N'oublie pas qu'il peut tourner les pages et faire de la lumière, hein, mec. C'est pas comme si tu pouvais avoir des mains et une lampe. En vrai, un peu plus pratique dans l'univers d'Harry Potter, le putain de sac à dos où tu peux tout mettre là. C'est une dinguerie, ça. Fini les suppléments Ryanair. Ah, ouais. Ah. Pour ranger les étagères ou. Ah, j'en rêve, je cherche un sac à dos en plus en ce moment. Et ben voilà. Bah, du coup, ok, ouais, le sac. Le sac, pas mal. Le sac, pas mal. Et toi, Julien, tu restes sur... Ouais, je sais pas, j'ai pas eu d'autres idées, là. Ah, je sais pas, moi, j'ai un peu ce truc de flip de... Pas envie d'aller dans le passé, pas envie d'aller dans le futur, tu vois. Genre, dans le passé, pas le passé, c'est stylé, quand même. Très bon. Bah ouais, mais tu vas voir quoi? Enfin, c'est... J'sais mais pas, comment ça, tu vas voir quoi? Tu vas voir l'histoire? C'est ok, tu vas voir quoi? C'est écrire devant tes yeux. Bah ouais. Tu vas voir l'histoire, mais gars, je t'assure que t'es un mec chelou, tu vas pas vraiment aller dans les châteaux des rois ou des trucs comme ça, hein. Tu seras juste bien un sûr que si, tu viens, tu mec, t'as toutes tes t'as dents. T'as toutes les connaissances, tu peux te faire du blé facilement. Bien sûr en plus. Que oui. t'es en bonne santé, après, t'es, contre, t'es tout beau, t'es tout propre. Pièce en ordre. Mais bien sûr. Tu vis comme un roi. Ok. Ouais, donc vous voyez j'ai quand même. Aller dans le passé pour aller avec Jacouille la merde. Qu'est-ce que j'en fais? C'est déjà ma vie. Ça. C'est ma vie en moderne. C'est on a la même vie que le mec dans la boue. J'ai pas envie de faire ça. Okay. Ouais, donc mais tu le vois sur un modèle économique. C'est comme Brice, quoi. T'es non, très, mais non, mais non, mais non, mais justement pour voir l'histoire s'écrit. Moi, c'est ça qui me saoule parfois avec quand je pense à l'histoire, c'est que ça se passe que dans le prisme des putains de bourgeois, c'est les rois, tout ça, c'est. C'est toujours des histoires de fous, de cours du roi entre 14 personnes qui révolutionnent le monde. Bah pour voir s'écrire ça, bah ouais, forcément t'es obligé d'être sur les lieux. Moi ça me casse les couilles parce que j'aimerais, enfin c'est pour ça que j'aime bien la Révolution française notamment, c'est que la rue a parlé quoi. Mais voilà, il y a que ce moment-là où être un grouillot c'était stylé à voir l'histoire. Mais sinon jamais de la vie quoi. Si la création du feu, allez peut-être, quoi. Enfin la découverte du feu quoi. Ah ouais, t'imagines, c'est un mec qui a une DeLorean, qui a emmené un briquet, et hop, il l'a fait pour tout le monde. Ouais, ok. Bah, Boris, chaud pour toi, ta deuxième actu. Ok. Alors, laquelle je vais choisir, je me tâte encore. Non, c'est bon, je l'ai. à Gemnos, ce dimanche 4 mai, donc il y a un peu plus d'un mois, non, même pas, a eu lieu une élection. À votre avis, laquelle? Je peux vous dire qui a gagné déjà, si ça vous aide. Ok. Je recherche le nom de la gagnante, blablabla, tout en bas de l'article. Bien préparé tout ça. Oui, non, mais c'est compliqué. Ou peut-être du deuxième article. Josiane ou un truc comme ça. Non, c'est Denise qui a gagné, à 86 ans. Ah, moi j'étais pas loin. Ah bah, ouais, t'es vraiment pas loin. Est-ce que c'est la Wii Sport? Non, c'est pas Wii Sport. Ah, parce que je sais qu'il y a ça. Genre Wii Bowling. Ça a un lien avec la cuisine. En quelque sorte, mais c'est pas le début de l'histoire, quoi. C'est pas le point principal. C'est la meilleure mamie. Exactement, c'est la super mamie Bouches-du-Rhône 2025. Ah putain. Et oui. C'est génial. C'est quoi les critères pour être la super mamie des Bouches-du-Rhône, à votre avis? Faire à manger, enfin faire. Ouais, mais tu vois trop terre à terre, toi. Ouais. La meilleure tarte aux pommes. Peut-être la meilleure tarte aux pommes. Non, mais peut-être la meilleure tarte aux pommes, tu vois. Il y a des preuves tarte aux pommes. Il n'y a pas d'épreuve précise. Mais il faut être proche de sa famille, être active et dynamique, donner de son temps à ceux qui sont dans le besoin. Avoir les joues qui piquent. Oui. Posséder un talent. Un peu de moustache. Posséder un talent. Bah, tricoter ou une conne comme non, ça. Non, mais c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle a montré? Ils disent pas trop, ils disent qu'elle a gagné. Il n'y a pas eu. Non, ils disent pas pourquoi elle a gagné. Ils disent pas sur l'épreuve. Oh, les salauds. Non. Et finalement, il faut adhérer à une association, ouais. Et avoir un parcours de vie méritoire. Donc c'est beaucoup de critères, je trouve, pour juste une mamie. Est-ce que le Rassemblement National, c'est une association qui ouais, c'est super mamie. Hein. C'est super mamie, c'est pas juste mamie. Non mais alors, Julien, Brice, c'est quoi ton critère de une mamie parfaite? L'argent de poche, hein, principalement. Faut qu'elle demande au chauffeur du bus où il va. C'est vrai. Faut qu'elle ait le truc qu'elle tire là, le genre de gros sac à roulettes. Oui. Ouais. Comment s'appelle la chariote là? Ouais, je sais plus. Faut qu'elle paye par chèque à Intermarché, c'est important. Ah putain, ouais. À l'heure de pointe, surtout. Qu'elle ait du mal à conduire. Ouais, qu'elle conduise pas du tout. Parce que c'est Bernard qui a conduit toute sa vie. Tu penses qu'il faut retirer le permis au vieux? Ouais. Vraie question. Évidemment, oui. Ouais, à partir d'un certain âge. Mais, pas retirer, mais les tester, quoi. Et retirer à ceux qui sont pas aptes. Mais c'est le cas déjà. Oui, mais il n'y a pas de test, je crois. Vraiment. Pas en France, hein. Pas en France, ouais. Si, je crois, il y a un truc tous les ans, non? Non. Ah, c'est non. Suffisamment vieux. Ils voulaient le mettre. Ils voulaient le mettre. Et ça n'a jamais été fait parce qu'ils ont gueulé. Et que comme c'est eux qui ont la majorité parlementaire. Ouais, quoi. Non, mais après, par exemple, moi, je sais que ma grand-mère, mes deux grand-mères, j'ai une grand-mère qui est très dessert, une grand-mère qui est très plat salé. On parle que de cuisine parce que les grands-parents, c'est ça, tu vois. Et ma grand-mère, elle fait des cannelés d'enculé. Franchement, c'est les meilleurs cannelés que j'ai mangés de ma vie. Et mon autre grand-mère, elle fait une sauce tomate de taré. De fils de pute. Mes critères, c'est ça. Mes critères, les cannelés, c'est la tomate. Avoir un plat phare, tu vois. Comme il a dit Julien, un plafard, la meilleure tarte aux pommes. Bah ouais, mes grand-mères, c'est la meilleure, meilleure cannelée. Vous avez toujours vos grand-mères ou on parle peut-être non, moi c'est terminé. Pour vous. C'est terminé. Non, moi ça va. Ok, bah désolé pour toi. Et moi, Tamori, du coup, le couscous, son banger. Ouais. Ouh, très bon, putain, ça. Ouais. Très fort. Est-ce qu'elle était pied noir, ta grand-mère, peut-être? Bah ouais. Elle est née à l'égypte, ouais, voilà, ma grand-mère. Tous les grands, bah vraiment, ouais. Tous les grands-parents. Hein. La colonisation. Et hey, on leur a porté les routes. Qu'est-ce que. Non, arrêtez ça. <Qu'est-ce> que... Et toi, Brice, c'est quoi le plafard de je sais pas, d'un de tes grands-parents? C'est quoi son classique? J'ai pas d'idée de classique, mais elle a très bien cuisiné, quoi. Y a pas... Non, non, en vrai classique. Tu vas et tu cuisines pas un truc? Non, non, mais j'allais chez eux, on mangeait la bonne saucisse de Toulouse, parce qu'ils habitent à Toulouse. Et bah elle voilà. Était super bonne, quoi, voilà. Exceptionnel. Et, ouais. Ça, et les petites pommes de terre en frites, là, c'était un banger ce repas. Mais voilà, donc t'as vraiment un plafard, qu'est-ce que nous avons oui, c'était oui, quoi, mais... c'était le dimanche, ça? C'était dimanche à manger chez mamie, quoi. Mais, enfin, tu sais, c'était les vacances tous les jours, c'était ah, le dimanche. Oui, c'était ah bah oui, c'était les vacances. Oui. Tous les jours, c'était le dimanche avec mamie. Tous les jours, c'était samedi soir, même. Je dis ça, ouais, moi j'habitais avec ma grand-mère, donc c'était n'importe quoi. Bah, du coup, tu bouffais bien, là, ça devait être bon. Par contre, bah, ça explique tout. l'amour de la bouffe derrière. Là, exactement. Ça explique du coup aussi pourquoi tu cuisines, tu vois. Parce que je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui cuisine dans sa famille et ça donne l'envie aussi, tu vois. Ah, mais je cuisine pas trop ce qu'elle faisait, quoi. En même temps, le couscous, tellement relou, gars. Oui, voilà. En même temps, le couscous, c'est pas tous les jours, quoi. Ouais. Après, couscous. Après, tu en fais une fois, t'en gardes pour 10 jours, quoi. Tu le, gars, j'en fais une fois pour moi et j'en ai pour 2 ans. Ouais, c'est pour ça, ouais. Après, tu congèles. T'as le congèle rempli de couscous. Bon, bah, ce midi, couscous. Et ce soir, bah, couscous aussi. Dans le doute, quoi. Voilà, voilà. Jus, t'as une actu à nous proposer. Là, j'ai un très gros truc. Hein. En vrai, j'ai deux très gros trucs. Je peux faire les deux, là, en vrai. Les deux? Je peux conclure. On conclut là-dessus? C'est ce que j'allais dire. On conclut là-dessus. Le temps tourne, ok. Ah bah, j'ai une petite info, mais une info qui sera récurrente aussi après à vous donner, mais allez-y, on conclut. Et après aussi, Kylian commence à gamberger, on fait une recommandation culturelle, un peu comme d'autres podcasts qui existent, par exemple. Mais. D'original. Une recommandation. Mais de la région. Enfance. Non, de ton enfance. Ah, de mon enfance, ok. Un truc que t'as kiffé quand t'étais gosse. Mais on y viendra plus tard. Ce sera vraiment la dernière partie. Et du coup. Vas-y. Moi, j'ai. Il s'est passé quelque chose d'Amsterdam. Je vous ai pas tout dit tout à l'heure. Ça a lien avec les putes ou pas? Parce que non, vraiment, non, non, non. Que, comment ça tournait les deux jumelles? Non, mais en gros. Voilà, c'est deux amis maintenant. Non, non, mais en gros, quand je suis sorti destination finale, c'était le dimanche. Donc, on était dimanche 1er juin 2025. Très important de cette date. Et en gros, je commence à sortir dans la rue. C'était une espèce. De zone industrielle, et je commence à voir des gens habillés en doré, tu vois. Genre, tu sais, un peu de magasin de farceur. Ouais. C'est ce doré moche, pailleté. Il n'est pas agréable, ce doré, à voir, quand les gens sont habillés comme ça. Ok. Et il y en a plein. Il y en a plein. Genre, un nombre. Ils sont tous habillés en doré, voilà. Je te le dis, ils sont tous habillés en doré. Et du coup, moi, je me balade, et j'étais encore un peu sous Space Cake, je pense, je sais pas. Je sais pas, je saurais pas dire. Et du coup, j'avance, et moi, je sais plus, je pense que j'allais vers la gare et tout, parce que mon train, il avait pas trop tardé. Du coup, je marche, je vois les gens dorés, je me dis, putain, pourquoi ils sont habillés en doré, tu vois. Et je commence à chercher sur Internet. Et ben, je trouve zéro info. Zéro info pourquoi les gens sont habillés en doré. Tu dis qu'il y en avait combien? Tout le monde. C'était un truc, c'était un délire. Je sais pas comment dire. C'est les gens, enfin ils savaient qu'il fallait s'habiller en doré, quoi. Enfin je sais pas comment dire. C'est pas un groupe, c'est pas un groupuscule qui font un enterrement. Oui voilà, c'est pas un enterrement de vie de garçon, quoi. Non non, c'est un phénomène mondial à ce moment-là. Mais t'as cherché quoi aussi pour les retrouver? Mais j'ai cherché tout. J'ai cherché doré, Amsterdam, 1er juin. J'ai tout cherché. Les actus, Twitter. Google, je sais pas, j'ai Instagram, j'ai tout cherché, je n'ai pas trouvé une seule réponse sur ce qui s'est passé. Et du coup, maintenant, j'ai peur de est-ce que j'ai rêvé ce moment. Voilà, je le dis, je commence à avoir peur. Et ah putain, mais t'as pas trouvé de réponse. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Il nous pose la question là. Si on a une info d'ailleurs, n'hésitez pas. Voilà, moi je veux des réponses. Contactez-moi sur Instagram. Si vous savez qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche 1er juin à Amsterdam. Pourquoi tu leur as pas demandé à eux, en fait? Ben, en fait, je voulais garder le suspense. Parce que, en fait, arrivé au métro, il y avait plus trop de gens, enfin, si, il y avait encore des gens habillés en doré. Moi, je cherchais, je trouvais pas. Du coup, je me suis dit, je vais pas demander, quand même. C'est moins marrant, parce que d'abord, je vais bien trouver. Et ça arrivait dans le train après, quoi. Que je fais, putain, j'ai toujours pas trouvé, quoi. Et là, il n'y a plus de joie bien entourée, ouais. Donc je me suis dit, bon, je suis baisé. Ah oui, là, c'est fini. Mais. Du coup, je vais le garder pour le podcast, quoi. Il faut retourner l'année prochaine. Bah ouais, faut y retourner, ouais. Le même jour pour voir si c'est récurrent ou pas. Mais je n'ai. En plus, j'ai demandé, du coup, moi, j'ai cherché sur Internet. Après, j'ai demandé à notre ami ChatGPT, parce que je me suis dit, je vais faire comme les jeunes. Je viens de le faire aussi. Il m'a dit go for gold, ça n'existe pas, voilà, je tiens à le dire, ça n'existe pas, il m'a dit n'importe quoi. Ouais, il m'a dit, justement, il n'y a pas de tradition spécifique. Où les mais oui, il m'a dit pareil après. Non, mais, voilà, par contre, non, mais je le dis, c'est passé quelque chose. Bah, il dit, c'est peut-être qu'il y avait une compétition sportive ou... Non, c'était pas sportif, c'était habillé en truc de farce à trappe, il y avait des chapeaux et tout, c'était pas sportif du tout. Ou alors, il y a des festivals. Je sais pas. Ouais, peut-être. T'as essayé d'aller sur la page de la ville d'Amsterdam, je sais pas. Hein. Non, j'ai pas fait ça. Alors, bah on va le faire. Mais j'ai cherché les articles, quoi. J'ai cherché des articles en néerlandais, j'ai cherché en tout. Et personne n'a parlé de ça, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens à bien doré. Et ils faisaient la fête, quoi. Ils étaient contents, quoi. Non, mais là, on peut garder le mystère. Et la semaine prochaine, on voit si un autre a une réponse. On fait des recherches. Non, mais voilà, la question, bah, c'est même pour les auditeurs et tout. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé dimanche 1er juin 2025 à Amsterdam? Pour que les gens soient bien dorés. Voilà. Et ça, le fil rouge du podcast. Mariage. Ouais. Jusqu'à ce qu'on trouve. Qu'on a la réponse. Et voilà, ils sont habillés en dos. Voilà. Vous voyez de quelle couleur je parle? Ce doré de farce à trappe, quoi. De seringard, quoi. Il faudrait que tu nous trouves une photo du costume ou de l'accoutrement. Mais en fait, c'était de tout. Ils n'étaient pas tous habillés de la même tenue. C'était habillé, tu sais, de ce doré. Enfin, voilà, le thème, c'était doré, je pense. Et c'est juste, voilà, ils étaient allés au premier magasin qu'ils pouvaient de merde. Il y avait des gens habillés, tu sais, en léopard aussi, vu que c'est un peu jaune pareil et tout. Des gens qui passaient. Enfin, il y avait de tout, quoi. C'était jaune doré le thème. Voilà, je ne saurais dire, mais. D'accord. Je pense plus doré que jaune. Voilà, c'est... Ok, bon, on garde en tête et on fera nos recherches. Nos recherches. Et là, on va. Sinon, on embauche quelqu'un pour chercher. On va pouvoir passer à la dernière partie. J'ai une info que j'ai trouvée. Je vais juste vous lire le titre. Le donneur de sperme qui a eu plus de 550 enfants. C'est vu interdire tout nouveau don. Putain, c'est l'histoire de... C'est Starbucks, c'est... Et là, tu nous demandes pourquoi? Ah non, c'est non, Fondy. Je veux juste vous parler de ça. Après, j'ai un petit jeu. Mais c'est pas Fondy, c'est... Mais, ça, enfin, non, c'est un néerlandais. Non, mais il y avait... Non, mais Fondy, il était légal. C'était au Canada, tout ça, c'était légal. Lui, on lui a dit, tu arrêtes, en fait. Tu arrêtes de donner. Parce que sinon, les gosses allaient se rencontrer dans le futur. Et oui, c'est ça. Il y avait un risque de virginité. Sachant que c'est marqué 550 enfants, mais Netflix a sorti un documentaire sur ce mec. Ils en comptent plus de 1000, voire 3000. Mon grand max, c'est 3000, c'est pas, ils disent. Oh là là. Et le problème, c'est que c'est dans la même région et tout, parce qu'il ne doit pas déménager à chaque don. Donc, non, mais tu vas voir, je vais lire l'article. Ah oui, c'est ça. Il a fait quelques dingueries. Donc, déjà, il s'appelle Jonathan Meijer, je ne sais pas comment dire. M-E-I-J-E-R. John, comment on l'appelle? Voilà, Jojo. Jojo la branlette. Jojo spermeur. Ce néerlandais de 41 ans a été interdit de donner son sperme par la justice. Vendredi, après avoir permis la conception d'au moins 550 enfants à travers le monde. Et oui, c'est pas limité aux Pays-Bas. Ah, encore pire. Et voilà, et après là, on commence à arriver sur un petit terrain. Cet adepte du crudivorisme aux théories complotistes a un profil qui intrigue. Et c'est là que l'article va. On a peur que les gosses y soient pareils après. J'ai découvert un bon fou. j'ai découvert un bon profil. Et d'ailleurs, l'article dit, son profil est pour le moins atypique. À 41 ans, Jonathan Meijer est le géniteur d'au moins, on l'a dit. Vendredi, la justice néerlandaise a interdit ce donneur en masse de donner son sperme à de futurs parents. La loi de ce pays limite normalement à 25 le nombre d'enfants qu'on peut concevoir par don de sperme. Disons qu'il a un peu dépassé, afin d'éviter la consanguinité, l'inceste et les problèmes psychologiques des enfants des donneurs. Jonathan Meijer devra payer 100 000 euros à chaque fois qu'il enfreindra cette interdiction. Ça, il va le faire. Ça en fait des sous, le sperme. À l'origine de cette procédure, la fondation DonorKind, enfants de donneurs, qui avait constaté que l'homme continuait à chercher des futurs parents sur les réseaux sociaux. Le quadragénaire pourrait néanmoins faire appel de cette décision de justice selon la télévision publique néerlandaise NOS, le rappeur. Je regrette d'avoir été malhonnête, a-t-il écrit à la noce. Cependant, une telle restriction de la liberté physique et de contact, telle qu'énoncée par le tribunal, ne me semble pas avoir sa place dans une société libre comme les Pays-Bas. Et voilà, et là on arrive sur un truc. Qui est Jonathan Meijer? Meijer, je sais pas. Ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux permettent d'esquisser les grandes lignes de ce personnage intrigant. au profil complotiste et anti-médecine conventionnelle. L'homme serait adepte du crudivorisme et se nourrirait principalement à base de produits crus. On peut ainsi le voir manger des abats, de la viande et des œufs crus sur ses vidéos. Et voilà, il croit pas à la théorie de l'évolution, apparemment. Il prime à la vie primitive. Il remarque que ses publications n'offrent toutefois aucune réelle explication sur ses motivations qui l'ont poussé à réaliser autant de dons de sperme. Mais les parents se disent pas, tiens, on va pas prendre un fou pour notre enfant. Enfin, je crois que c'est anonyme, de... ouais, ouais. Ouais, mais bon. T'as pas trop le choix, je crois. Voilà, lui dit qu'il a aidé des gens, voilà, mon but n'était pas d'avoir autant d'enfants que possible, j'aime rendre les gens heureux. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, il rend les gens heureux, mais c'est lui qui se rend heureux, en fait, il a besoin de sa dose de... Et là, on y arrive. Blacklisté depuis 6 ans dans les cliniques des Pays-Bas, Jonathan Beyer serait tourné vers l'Allemagne, la France et la Belgique pour continuer de demander son sperme via des contacts directs ou via des banques de sperme danoises en donnant parfois de faux noms ou en mentant sur le nombre d'enfants qu'il avait conçus. Mais... il n'y a pas sa photo qui tourne dans toutes les cliniques de dons du monde entier. Il devrait. Ne prenez plus ce mec. Et voilà, ça. Ce dernier est désormais dans l'obligation de fournir une liste complète des cliniques et établissements auxquels il a fait des dons pour destruction des échantillons. Donc là, il y a des mecs, un espèce d'auto-dafé de sperme, qui sont en train de tout brûler, le sperme du mec, les litres. De brûler carrément, on peut pas juste le mettre à la poubelle. Non, il faut tout brûler. il faut tout brûler. Bah, c'est comme The Thing ou les aliens, sinon ils repoussent et tout. Non, il faut tout brûler. S'il s'avère que la liste n'est pas complète, il devra payer une amende de 25 000 euros par établissement manquant. Ça aussi, ça fait cher. Et voilà, aujourd'hui, ouais, Jonathan Meijer aurait permis de concevoir des enfants en Australie, en Italie, en Serbie, en Ukraine, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en Suisse, en Roumanie, au Danemark, en Suède, au Mexique et aux États-Unis. Superbe. Ah, le mec est fort, hein. Le branleur fou, le spermeur. Le spermeur fou. Putain, tu nous lâches un gros dossier pour finir là, je vais pas endormir. Le spermeur fou. Ouais. Et là, j'ai un jeu, je suis allé voir la chaîne YouTube du spermeur fou. Je vais vous proposer des titres de vidéos, vous allez me dire si elles sont vraies, si elles sont fausses. Ok, c'est parti. Et on est face à un vrai fou, hein, voilà. Okay. J'ai traduit avec la traduction automatique de Google, donc voilà, oui. C'est dégueulasse, mais c'est le but. À votre avis, la vidéo qui s'intitule « L'étape la plus importante pour attirer une femme traditionnelle », est-ce que c'est une vraie vidéo ? Bah ouais. Malheureusement, mais oui. Je sais pas, parce qu'on n'a pas dit qu'il était à fond dans les femmes. Il se branle toute la journée, Brice. Il se branle toute la journée après. Il se permet une femme traditionnelle ? Putain. Une femme traditionnelle. Eh ben, on va dire que oui. On va se faire avoir sur le premier. Et en effet, c'est vrai. 2800 vues. Ah. Okay, pas mal, solide. Deuxième vidéo, manger de la cervelle de porc cru, entre parenthèses, quels sont les avantages ? Bah oui, bien sûr. Ah, pour moi, c'est faux. C'est vrai, 1100 vues. Troisième vidéo, trouver le chemin dans la vie vers le royaume de Dieu. À votre avis ? Non, c'est faux. C'est faux. Bien, c'est vrai, il adore Dieu, c'est aussi une de ses facettes. Mais tu nous avais pas dit aussi. Eh oui, ouais, dit. On a fait toutes les infos. C'est pour ça, là, je vous pose un petit peu des indices là, pour comprendre. Ouais. Quatrième vidéo. Troisième divorce, et cette fois-ci, il n'y en aura pas de quatrième. Voilà, c'est faux. C'est une menace. C'est faux, c'est Rose dans Friends, ça. Non, mais là, on dit que c'est faux. Hein. En effet, c'est faux. Pourquoi ? Elle a été mariée ? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Ok. Ah non, j'en ai une autre. Toutes les femmes sont des putes, entre parenthèses, sauf les plus de 1200 que j'aurais engendrées selon Netflix. Ah, c'est faux, j'espère. Non, j'en suis vrai, espérer avoir raison, quoi. Non, c'est vrai. Et non, c'est faux. Pourquoi je n'ai pas peur de la mort ? Parce qu'il a 3000 gosses. Non, je pense que c'est vrai, c'est parce qu'il mange que des abats. Non, parce qu'il est à fond dans Dieu, donc il a pas peur de la mort. Ah, c'est vrai, 1400 vues. Et t'as regardé un peu le contenu ou pas ? Parce que là, non, j'ai pas cliqué sur une seule vidéo. Pourtant, ton algo YouTube il est cooked là, c'est fini. Le féminisme, virgule, la raison des taux de naturalité extrêmement bas. Mmh, ouais, c'est vrai. Ah ouais, malheureusement, je pense que c'est vrai. C'est vrai, 4200 vues. Un manger. La plus vue, parce que évidemment, les misogynes. J'en ai enfin bu, avec deux points d'exclamation. Bu ou vu ? Bu. Ah, c'est faux, c'est toi qui l'as écrit. Et oui. Je reconnais ta patte, Julien, je reconnais ta patte. Ne me donnez pas vos arguments scientifiques ennuyeux. C'est vrai. Ah, ça c'est vrai, ouais. 798 vues. Ah, putain. J'ai gagné le procès. Il perd, il perd. Bah, c'est vrai aussi, c'est bah, l'accusé. Non, c'est faux, il a perdu. Ah. Il en a peut-être gagné un autre avant. Non, c'est vrai, 4500 vues. Je ne suis pas blanc. Sachant que la petite spécificité, c'est qu'il est complètement blanc. Hein. Ah. C'est l'homme le plus blanc du monde. Non, c'est faux. C'est et c'est vrai, niveau. C'est vrai, 1400 vues. Ah putain. Ça, comme quoi? La folie. Hein. Libéré P. Didi. Mais c'est vrai. Oui. Oh, ah, c'est faux. C'est faux. Putain. Un vaccin, point d'interrogation, autant m'empêcher de spermer en vrai. Bah, c'est faux. Ah, c'est faux, c'est toi. Dans c'est faux. Dentiste maléfique, comment ils détruisent vos dents dès la naissance? Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, 1000 vues, pas mal. Ils s'enculent une brebis crue à 9h du matin en plan séquence. Ah, c'est faux. Ah, c'est faux. Ouais, là, c'est faux, mais j'espère qu'elle arrive bientôt quand même. L'aspartame est bon pour la santé. Bah, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai, 325 vues, pas un classique. Il y a un schéma, il y a un schéma. Non, je ne mange pas de couilles de bouton pour plus spermer. Hashtag debunk. C'est faux. C'est faux. C'est vraiment faux. C'est faux. J'ai abandonné le déodorant il y a un an. Entre parenthèses, résultat étonnamment bon. C'est vrai. 1000 vues, ouais, superbe. Et la dernière, je mange une chauve-souris crue, vlog au marché traditionnel de Wuhan. Non, c'est faux. Ah, c'est vrai. Et c'est faux. Bah, tu gagnes quand même. On sait jamais, on sait jamais. Et après, j'ai un peu continué à parcourir la chaîne YouTube. Il y avait, parce que c'est long, hein, c'était à peu près sur 2 ans, ces vidéos-là que j'ai trouvées. Et après, avant ça, il était un petit peu dans la crypto-monnaie. Donc là, il y a des très bonnes vidéos de crypto-monnaie où il parle un peu de l'actu. Il fait la météo un peu du Bitcoin, comme Fantasio. Pas mal, pas mal. Dont une vidéo qui s'appelle « Reconnaître les escrocs financiers » à 503 vues, qui est vraiment pas mal, je pense. Et aussi, il y a pas mal de vidéos où il parle de pompes. Oui, il fait des pompes. Il parle de dire que les pompes, c'est bien. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Brice, toi qui est un petit peu dans... Est-ce qu'on peut... Les pompes, c'est très bien, mais peut-être que... Est-ce qu'on peut survivre de pompes? Ah, on peut faire que ça, oui. Le repas, mais les pompes, non. Putain, il avait raison. Et aussi, c'est un musicien. Et donc, il a fait pas mal d'albums. Et je pense que on peut en écouter une. Pour finir, avant... Oui. Allez. Avant, un petit peu en... Comment ça s'appelle? En transition pour le dernier moment de l'émission. Vas-y, mets-nous un morceau, là. Allez, on écoute ça. Salut, c'est Jonathan et bienvenue dans ma morning routine. 8h12, je me réveille. 8h13, je vais spermer. 8h17, je vais spermer. 8h25, je vais spermer. 8h33, je me lève enfin. 8h35, je vais spermer. 8h43, je vais spermer. 8h45, j'ouvre Tinder. 8h46, je vais spermer. 8h47, je vais spermer. 8h48, je m'évanouis. 9h04, une dizaine de crues. 9h06, je vais spermer. 9h13, je vais spermer. 9h17, je file à la douche. 9h19, je vais spermer. 9h20, je me la sèche. 9h35, je sors de la douche. 9h36, je vais spermer. 9h37, je pisse dessus. 9h38, je vais spermer. 9h40, je vais spermer. 9h43, je fais des pompes. 10h02, j'ai fini les pompes. 10h04, je vais spermer. 10h07, je mange un pigeon. 10h10, je vais spermer. 10h15, je vais spermer. 10h16, je frappe une femme. 10h17, je regrette. 10h18, je vais spermer. 10h20, j'investis. 10h30, j'ai tout perdu. 10h31, je vais spermer. 10h36, je vais spermer. 10h40, j'étudie. 11h20, les avions n'existent pas. 11h22, je vais spermer. 11h24, je vais spermer. Même les gouvernements veulent me faire tomber. Ils veulent m'empêcher de le donner. Des millions de femmes j'ai engrossé. Mes flots de sperme vont se déverser. Là, c'est le moment émotion, là. Mais mes gouvernements veulent me faire tomber. Ils veulent m'empêcher de le donner. Des millions de femmes j'ai engrossé. Mes flots de sperme vont se déverser. Là, quel moment? Putain. C'est quelque chose. Ah là là. Ah, c'est très fort. Il est fort ce monsieur, il est fort. Non, mais c'est son instru en effet, par contre. qui est une catastrophe. Tu pourrais demander si on peut, l'utiliser comme générique de fin, peut-être. Bah, dans tous les cas, et dans le podcast, maintenant, c'est trop tard. Mais bon, j'ai parié ça, sur le fait qu'elle a fait peut-être 100 vues, je pense, sa vidéo. Enfin, j'ai pas regardé combien de vues cette superbe instru qui s'appelle Lonely. Oui, juste, d'ailleurs, j'ai pu faire ma cover tranquille parce que les seules paroles, c'est Lonely. Il les chuchote comme ça. Putain. Donc, ouais, je pensais vraiment que t'avais tout fait. Je pensais que t'avais tout fait, genre même l'instru et tout. C'est fort. Ah, non, mais c'est fou. Qu'est-ce qui se passe déjà à 8h37? Putain, j'ai tout oublié. Il va se fermer. J'avais oublié, mais merci. Il y aura pas ça toutes les semaines. Ouais, merci. Putain, dommage. Alors moi, je vais faire juste un petit point actu montpelliéraine sétoise, on va dire, plutôt. Ok. Avec, je sais pas si vous connaissez, et je terminerai par là, c'est pas vraiment une actu, hein, c'est plus... Non, c'est un petit bonbon, c'est égal, on arrive sur la fin, sur, 1h25, c'est tranquille. Le dessert, en soi. Ouais. Est-ce que vous connaissez peut-être la série Demain nous appartient? Bien sûr. Voilà, bah, qui est une série qui est tournée à 7. Tournée, oui. À 7. Voilà, alors je vous lis le résumé de la série, et après je vous lis le résumé de l'épisode qui tournera demain, enfin qui passera demain à la télé. Et un peu, quand on y pensera, on fera un petit point sur qu'est-ce qui se passe pour ces messieurs-dames. Donc le synopsis de Wikipédia, c'est l'histoire tourne autour des habitants de la ville de Sète, au bord de la mer Méditerranée et de l'étang de Thau, donc jusqu'à là c'est juste de la géographie, leur vie héritée par les rivalités familiales, romances et scènes de la vie quotidienne, mais aussi par des intrigues mêlant enquêtes policières, secrets et trahisons. C'est donc Plus belle la vie. Voilà. Vraiment ça. Oui, c'est juste que ça, c'est quoi, au lieu d'être à Marseille. Ouais, c'est ça. Mais alors... il y en a plein des séries comme ça, quoi. Oui. Donc, ouais, mais il y en a une autre à Montpellier, d'ailleurs. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est Demain tout commence, ou un truc comme ça, vraiment. Ça, Mais parce que je crois que c'est dans le même univers. Parce que moi, ma mère regarde ça. Et en fait, il y en a un, c'est vraiment Plus belle la vie, quoi. Et après, il y en a un deuxième. Mais je crois que c'est Demain tout commence. Et c'est genre, ouais, c'est dans une école de cuisine, quoi. Ouais, mais ça, je crois que j'ai. Mais c'est un spin-off. J'avais regardé un épisode, c'est pas mal. Mais donc du coup l'épisode de mercredi 4 juin, je suis désolé pour ce que je spoil, bon l'épisode sortira pas d'ici là, mais bon. Ouais, non, ça va. Simon s'en est-il pris à Raphaël? À l'hôpital, Marianne annonce à la famille Perrault que Raphaël va mieux. Elle n'aura pas de séquelles de son électrocution. En revanche, ils vont la garder quelques jours. Pendant ce temps, la PTS, alors j'ai regardé ce que c'était la PTS, c'est j'ai TPS, c'est un truc de police scientifique. Mes recherches sont pas top. Est envoyé au domicile des Perrault pour faire des relevés. Damien informe Karine que le robot pour nettoyer la piscine a été saboté. Si Raphaël était clairement visé, tout a été fait pour éviter de la tuer. Exactement comme les macarons qui contenaient du phénol sans que ce soit une dose mortelle. Damien ajoute qu'il n'a relevé aucune trace d'effraction. Mis au courant de la situation, Martin en parle à Maud et Camille. Il essaie de réfléchir à une personne qui pourrait en vouloir à sa compagne. Maud évoque alors le passage de Simon la veille venu leur offrir des fleurs. Camille déclare néanmoins que son ex, puisque Simon est son ex du coup, ne serait pas capable de faire... Ah non, c'est l'ex de... Attends. De Camille, du coup. Faut comprendre. Ne serait pas capable de faire du mal à... C'est le problème, il y a 152 personnages, quoi. Mais je vais m'arrêter sur cette histoire-là, je vais pas faire le résumé de tout le truc. Mais déjà, tu l'as trouvé où ce résumé? T'as chopé le scénario, quoi. Allociné. Il y a un truc, l'épisode entier qui va passer, c'est-à-dire qu'en plus mais les vieux c'est taré, les vieux. Ouais, ma grand-mère faisait ça aussi. Ouais. Et ensuite ils... à la faculté de Montpellier, qui est très belle d'ailleurs, enfin ça dépend laquelle. Karim constate que le casier de Raphaël a été forcé. Il interroge un élève qui a l'habitude de filmer ses stories à cet endroit afin de récupérer les images qu'il a tournées les jours précédents. De retour au commissariat, Karim fait le point avec Martin qui lui partage ses soupçons au sujet de Simon. Justement, ce dernier se présente à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Raphaël. Maud et Camille lui expliquent que tout va bien. Camille propose ensuite à son ex de boire un verre dehors. Simon repense alors à sa dernière conversation avec Raphaël. Elle le menaçait de dire la vérité, ou alors elle s'en chargerait elle-même. Au commissariat, Martin, Karim et Roxane visionnent les images que l'étudiant leur a fournies. Sur celles tournées la veille, on y voit clairement Simon en train de forcer le casier de Raphaël. Voilà pour la petite histoire de l'épisode de demain entre Simon et Raphaël. Voilà, et ben on suivra, on essaiera de suivre ça, peut-être pas tous les épisodes, on aura peut-être des petites coupures, je ferai l'épisode de la semaine à chaque fois. Non mais ce que tu peux nous faire pour la semaine prochaine, c'est de trouver une petite scénette à jouer, quoi. Histoire qu'on se régale. Non mais tous les quatre, j'allais dire tous les trois, mais j'ai oublié qu'il y avait quatre micros sur le logo. C'est le problème, c'est le problème. Mais non, mais on voit. Mais peut-être j'essaie de vous trouver ça pour. Bah, alors peut-être pas la semaine prochaine, mais au prochain épisode. Ouais, la prochaine fois, la prochaine fois. Je sais pas si ça se trouve du scénario de la série de merde. Ah sinon, je demande à ChatGPT de nous écrire un truc. Oui, aussi. Mais bon, si on pouvait avoir le vrai Demain nous appartient. Ouais. Je sais que ça le nom. Ah sinon, sinon je télécharge un épisode et je demande. Je fais de la retranscription, quoi. Ouais, oui, oui, tu peux. Mais on verra. Je verrai comment je m'organise pour le prochain épisode. Ça va, voilà, ça va. Pour moi. Brice, tu as quelque chose dans les arrêts de jeu? Non, là c'est bon pour moi. Je me préserve pour la prochaine fois. bah ouais, moi aussi, hein, c'est tout. Hein. J'avais un peu des trucs sur Amsterdam, mais bon, on s'en bat les couilles, quoi. Enfin, c'est moi bien. On n'a pas eu en termes de temps. Ouais, dans le temps, c'est pour ça on est bien. Hein. Petite recommandation. Donc, comme on a dit, une recommandation de l'enfance. On essaiera de changer de thème de recommandation à chaque fois. Ok. Et puis, je sais pas, qui a une idée. Bon, je t'en ai parlé en premier, il y a maintenant 2 ans et demi. Ouais, ouais. Je recommande tous les films Taxi qui se passent à Marseille d'ailleurs, donc très très bon. voilà, c'était mon enfance, voilà, que je les ai vus plein de fois. C'est lequel ton thème moi. Mon préféré, c'était le 3. Taxi 3. Avec Stallone, 3. Au début. Exactement, putain. Exceptionnel. Putain. Il y a pas où il y a Zidane dedans ou je sais pas. Pas sûr. Il y a un joueur de foot à un moment dans le taxi. Je sais plus le. Non mais t'as Djibril Cissé qui se fait amener au stade. Ah oui, voilà, oui, c'est vrai, à la fin qui prend le ballon amené par le taxi. Oui. Exact. Très très bon. Mais ouais putain, le taxi c'est pas mal. Pareil. Et tu l'as vu le dernier? Non. Taxi 5. Non, surtout pas. Surtout pas. Faut garder le bon. Et toi, il y avait pas Samir Nasri, donc t'as fait non, je peux pas regarder, je peux pas trahir. C'est pour ça. Je comprends. Voilà, voilà. Il y a une petite recommandation. Tu veux que j'enchaîne? Bah non, moi, vas-y, j'en ai deux. Deux petites recos. Ma première reco, c'est vraiment toute basique, mais les cartes Yu-Gi-Oh. Genre, franchement, le jeu est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, bah, pour aller dans le sens carte Yu-Gi-Oh, le jeu sur DS Yu-Gi-Oh! GX, oui. Spirit Killer est vraiment titanesque, donc voilà, n'hésitez pas à aller jouer. Puis jouer sur la autre, R4 à l'époque. Bah bien sûr, bien sûr, moi aussi. Évidemment. Pas moyen de payer. On n'achetait pas des jeux, nous, on les craquait tous. Et je fais pareil sur la Switch, mais. Exact. Et dernier, deuxième petite reco, c'était les cartes Panini. Les cartes Panini des joueurs de foot. Pas voilà, mal, à l'époque, tu pouvais avoir Barthez, Zidane, toute l'équipe de France. J'ai fait un excellent flop, moi, sur les cartes Panini, là. Pourquoi? C'était cet été, enfin non, c'était quand l'Euro? C'était l'année dernière. Enfin, l'été dernier. Je me suis dit, putain, c'est l'Euro, carte Panini, quoi. Je sais pas, j'avais envie de me faire kiffer, quoi. Je vais à mon bureau de tabac. J'habite en Allemagne, faut préciser encore. Donc, pas tout accessible pour moi, quoi. Donc je vais à mon bureau de tabac et je trouve pas de carte Panini, quoi. Je trouve un truc qui a un autre nom, quoi. Mais c'est plus Panini, j'ai plus le nom. Il est pas très loin de moi, le truc, je pourrais vous le sortir. Mais en gros, je l'achète parce que je me dis, bah c'est Panini, ils ont dû changer de nom, j'en sais rien, ou depuis 15 ans que j'en ai pas acheté, quoi. Et peut-être fruit des changements, quoi. Donc j'achète le truc, ça ressemble un peu à des cartes Panini, hein. Il y a le classeur avec les couleurs, avec des joueurs, des cartes aussi, enfin tout le délire, quoi. Donc ça ressemble à des cartes Panini. J'arrive chez moi, je me fais putain, je vais me régaler, cartes Panini et tout, vraiment un gros bouffon. Hein. Ben c'est des espèces de cartes à jouer, genre c'est Yu-Gi-Oh le jeu, quoi. Enfin je sais pas comment dire, mais un jeu, merde. Comme Pokémon un peu. Oh comment j'ai. Mais avec des vrais joueurs de foot ou pas? Ouais, si c'est des vrais joueurs et tout, mais je colle pas sur un carnet, enfin c'est un classeur pour ranger les cartes Pokémon, c'est un classeur plastique, quoi. J'étais dégoûté. Ouais, ouais. Tu peux aller chez moi. Ah ouais, tu peux toujours faire la collecte, hein. Mais j'en ai rien à foutre, ça, c'est bon. Du lâcher, ce truc. Non, c'est vrai que c'est chiant. Hein. Ah, bah en plus, j'avais des bonnes cartes, hein. Franchement, j'aurais pu faire une belle partie. Hein. J'avais Ronaldo et tout. Ah bah. Je pense que tout le monde a les mêmes cartes. Là, je pense aussi, ouais. Et du coup, c'est quoi ta reco, Julien? Moi, je vais recommander le dessin animé Samurai Jack. Dessin animé que j'aimais bien quand j'étais gamin. Qui passait sur Cartoon Network. Oh, à l'ancienne, et qui a eu un reboot, je crois, il y a quelques années, enfin un reboot, une suite, quoi, je crois. Putain, oui, je vois. Et qui est fait par le mec qui s'appelle Genndy ou Genndy Tarkovsky, et qui est le mec qui a fait la série Clone Wars de Star Wars à l'époque, en 2000. Ah oh, bah, qui est en plus une très très bonne série. Oui, oui, c'est connu pour être très très stylé. Qui a fait la série okay. Primal aussi il y a quelques années sur Adult Swim, un truc sur comment ça s'appelle les trucs préhistoriques, enfin des hommes des cavernes qui se battent contre des dinos et c'est muet, enfin genre ça parle pas quoi. Ok. Qui est assez stylé, enfin non, c'est Genndy Tarkovsky et voilà, bonne recommandation plus globale, mais sinon Samurai Jack, c'était trop bien quoi. Qui raconte okay. l'histoire d'un samouraï qui okay. parle pas et qui vit des aventures un peu, tu sais, c'est un peu le format Le Rebelle, Mandalorian, c'est 20 minutes, un arc, un épisode, et ça se passe un peu dans un univers un peu fantasque. Il y a un problème de résolution, un monstre à tuer, voilà, allez, terminé, c'est barbé. Et c'est trop bien, enfin c'est. Moi j'aime trop ça. Quoi. Pas mal. Ouais, de ouf. Et puis, du coup, ça veut dire que là. Pardon, vas-y. Non, dis-moi. Je vais dire, et du coup, ça veut dire que là, pour les prochaines recours, on n'a plus le droit. Genre, par exemple, Brice, il pourra plus dire un film, je pourrais pas dire un jeu, et. Quoi, et toi, si, tu pourras si, pas si, dire si, un film animé. Ouais, c'est le thème, je pensais qu'on. Pour faire un truc un peu original. Ah, hein. Ok, ok. Ok. Imagine, on peut plus faire les films, putain, on est. Ouais, ça tue, hein. On est vite arrêté, quoi. Ouais. Non mais j'étais en mode toujours les trucs de son enfance, mais tu sais on alterne et on essaie de trouver un jeu. Après on peut garder les trucs de l'enfance, okay. Hein, c'est marrant. Ouais. Oui on peut le faire plusieurs non, fois. Mais voilà, ça va revenir au bout de deux. Hein, donc. Non, mais tu disais Yu-Gi-Oh mais la série aussi Yu-Gi-Oh t'aimes bien. Moi je regardais la série animé. Yu-Gi-Oh GX est vraiment géniale pour le coup. Et pas la original. Série Yu-Gi-Oh la première, l'original si mais je la trouve un peu longue par rapport à, enfin je sais pas. Tu sais, quand t'es enfant, t'as besoin d'un truc quand même qui soit un peu actif. Après, je pense que c'était aussi à destination des gens un peu plus âgés, ouais, tu vois, les ados ou quoi. Mais par contre, si, carrément. Mais le truc, c'est que les mécanismes de jeu de cartes étaient, je sais pas, je les ai trouvés plus intéressants. Enfin, parce qu'en même temps, tu sais, le jeu évolue, tu vois. Ouais, ouais. Mais les mécanismes de jeu de cartes étaient plus intéressants dans GX que dans Yu-Gi-Oh! Ah, classique. Ah oui, il y avait aucun strat, oui, dans le dessin animé. Et moi, j'avais rematé il y a pas longtemps, là, Yu-Gi-Oh! Le classique. Ouais. Mais par exemple, tu vois, et tu vois l'évolution du truc, c'est que par exemple, pour jouer des cartes, tu pouvais jouer n'importe quelle carte sans avoir de sacrifices à faire, etc. Alors que ça, tu vois, c'est un truc qui a changé de trucs. Enfin, les règles ont évolué. Par contre, après GX, et je pense que c'est parce que j'ai vieilli, mais après GX, ça m'a plus. Il y a eu 5DS où il y avait des courses de moto. Ouais, c'était un peu les motos, bizarre, ouais, ça m'a c'est pas fou. Trop plu. Ouais, et il y a eu un truc avec je sais plus, mais les générations suivantes m'ont pas spécialement plu. Ouais, c'est toujours donc, ça. Beyblade aussi, ils ont fait pareil. Ouais. Moi je me rappelle, ouais, j'avais rematé Yu-Gi-Oh là il y a pas très longtemps. En fait, ouais, je trouvais que ça allait beaucoup plus vite que dans mon enfance, tu vois. Je pense que j'avais dû regarder 3 épisodes. Ah. Parce que là, j'étais en mode, ouais, putain, ça va hyper vite, quoi. Parce que, vraiment, il se fait marave la gueule. Les cartes, en 2 épisodes, il les a plus. Enfin, ça va extrêmement vite. Après, je me rappelais de trucs, il y a vachement plus de zip et tout, donc, je me suis arrêté. Ah, après, t'arrives à chaque fois, je regarde un putain d'animé. Trucs comme ça, Ouais, après, ça part en couille. Je me rappelais de ça que j'avais maté quand j'étais gamin, quoi. Mais après, ouais, moi, généralement, les animes. Pour moi, c'est génial. Oui, après, si tu zappes vite, c'est vite. Ouais, moi, j'ai problème. Faut que ce soit une saison. Bah, t'as des mini, hein. Ouais, c'est pour ça. T'as des mini, t'as des trucs 12 épisodes, 25 épisodes, ça suffit. Ouais. Bon, messieurs. Sur ce. Bah, les gars, ouais. Bah, c'était super. Qu'est-ce qu'on dit, les gars et les auditeurs. Qu'est-ce qu'on souhaite pour ce podcast? Que Lucas soit présent une fois de temps en temps. Ouais. Ce qu'on souhaite, ouais. Ça, c'est tout ce même qu'on une veut. Fois, présent. Ouais, une fois, déjà, c'est bien. Ouais. Incroyable. Qu'on trouve une régule, une régularité tranquille. Franchement, il n'y a pas trop ce truc à cut, non que... Non, ça va. Moi, je pense qu'on peut le laisser tel quel. Bah, du coup, ça, non, du coup, mais on peut dire au revoir aux auditeurs et après on en discute. Allez, bon, ça marche. La bise. Bisous tout le monde. Les gars, plus, et abonnez-vous. À la prochaine. Mettez 5 Écoutez. Étoiles sur Spotify. Partagez. Envoyez à vos amis. Dites-nous sur Instagram pour nous dire si ça pue la merde ou pas. Et bientôt un PayPal en bio. Bientôt le Patreon, ouais. Bientôt. Allez, tchuss. Ciao. La bise.